Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Aujourd'hui c'est la 499e édition, donc la semaine dernière et celle d'avant je vous avais dit, voilà, on savait pas exactement quand est-ce que ça tomberait la 500e. La 500e, eh ben, elle tombera pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission, mais la suivante, donc la suivante ça sera le 11 mars, et il y aura ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel un groupe qui est déjà venu à plusieurs reprises. Il s'agit du groupe No Blush, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles, et ça nous fait plaisir de les retrouver, donc le 11 mars dans les de Radio Arc-en-Ciel, le groupe No Blush. Depuis le début de l'année 2022 déjà. Ah bah oui, hein, ça, le temps passe vite. Nous avons reçu le 14, hein, c'était la première émission de l'année 2022, donc, et nous avons reçu ici en direct live l'artiste Jimo, qui nous avait interprété des morceaux, voilà, qui nous avait amené son album du moins, et qui nous a pas interprété le morceau en direct, mais qui nous a quand même diffusé sa musique, et on continue d'écouter régulièrement ses morceaux dans l'émission Mavrica. Le 21 du 1 janvier, donc, c'était le groupe Neutol qui était venu dans nos studios. Voilà, une grande découverte, un superbe groupe, et régulièrement vous allez en avoir, puisque ils nous ont laissé leur album, et on va pouvoir écouter plusieurs morceaux dans les prochaines émissions, il n'y a pas de souci. Le 28 du janvier, c'était Max de Giovanni qui était venu de Bayonne, carrément, hein. Voilà un artiste que je connaissais pas, qu'on a découvert ensemble, et qui a sorti un super album et qu'on découvre régulièrement dans l'émission Mavrica. C'est tout à l'envers chez moi, donc alors je vais vous le dire à l'endroit. C'était le 11 du 11 février, donc c'était Mourad qui était venu dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Alors Mourad, lui, c'est un habitué, il vient régulièrement nous présenter ses albums dès qu'ils sortent. Et là, il y a un album qui est en construction, donc n'hésitez pas à l'aider. Hein, donc il y a un lien qui avait été partagé sur le mur de l'émission Mavrica pour justement commander à l'avance son nouvel album qui va pas tarder à sortir. Voilà. Le groupe Red Daff était dans le studio la semaine dernière, et puis le groupe Red Daff lui aussi sort un album. L'album physique, on l'a pas encore, il va bientôt sortir. Et en tout cas, il y aura aussi, il nous avait prévenu qu'il y aurait un concert au caisson, donc c'est le fief du groupe Red Daff, donc, et de l'association Red Daff, c'est à Talcy. Et au caisson, il y aura donc un concert le 25 et le 26 mars. Ça s'approche, hein, on a encore un petit mois, hein, pour voir ça. Mais en attendant, voilà, donc, je vais donner les dates pour ce super concert où il y aura Red Daff et il y aura aussi des intervenants. Il n'y aura pas de première partie, mais il y aura beaucoup d'intervenants dans ce spectacle, parce qu'ils ont monté carrément un petit spectacle dans leur concert. Voilà, donc depuis le début de l'émission, on a écouté aussi un petit peu de musique. On a commencé avec un morceau des Burning Heads qui était sorti la semaine dernière, le vendredi il est sorti, on l'a diffusé le soir même et on le rediffuse avec plaisir ce soir. Juste après, on écoutait justement les Red Daff avec un hommage au Captain Watson, donc des Sea Shepherd. Juste avant, c'était O'Marian, un morceau d'un groupe de Bordeaux qui s'appelle Ivar et qu'on écoute assez régulièrement. Alors je vous passe souvent ce morceau-là, c'est pour que ça vous rentre un peu dans la tête, mais il y en a d'autres aussi à vous faire découvrir. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'émission numéro 499 et nous recevons une fois de plus un groupe dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Roraima. Restez avec nous jusqu'à 22h, c'est l'émission Mavrica. Et juste après, on va écouter le groupe Prisma avec Rock Now, parce qu'il y aura de l'actualité pour cette fin de semaine. Donc demain, il y a un concert exceptionnel. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. ça c'est la petite musique qui indique, voilà, si vous écoutez l'émission, vous le savez déjà, on va aller dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour accueillir nos invités. Donc ils sont au nombre de deux, c'est le groupe Roraima et on va les accueillir tout de suite. Bonsoir Roraima. Bonsoir. Donc on va régler les micros en même temps, hein, parce qu'ils étaient un petit peu faibles peut-être. Vous allez vous approcher bien des micros, comme ça on va bien vous entendre. Je suis content de vous recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est la première fois qu'on se rencontre, qu'on se voit. Pourtant, moi je vous ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, qu'on s'est rencontrés. Donc moi j'ai eu l'occasion de vous voir déjà il y a quelques années, c'était à Balade en Musique à la Chapelle Saint-Mémin. Tout à fait, ce qui devait être un de nos premiers concerts, le troisième ou quatrième. Ouais, ça date un peu maintenant. Ouais, ça commence à dater, ouais. C'est vrai que ça fait un petit moment. Donc j'avais découvert votre groupe et je vous avais vu aussi il y a quelques temps. Bon, c'est vrai que c'était avant le Covid. C'était à Jargeau, donc pour le tremplin de Jargeau. Ouais. Tout à fait. Voilà, donc à deux reprises je vous ai vu. Alors vous êtes un duo de musique électronique, on va dire ça comme ça. C'est ça, ouais. On mélange batterie acoustique et instruments électroniques. Voilà. Et on appelle ça du trip-hop, c'est ça ? C'est une appellation un peu... Enfin, c'est un genre qui est né dans les années 90 et qui vient en fait du mot hip-hop et qui est une musique assez, comment dire, planante et plutôt lente. Dans laquelle c'est que de l'instrumental. En gros, c'est les instrumentaux de hip-hop sur lesquels on a enlevé les voix. D'accord. Et qui ont été rallongés, qui ont été un peu triturés, qui sont devenus ce qu'on appelle le trip-hop. Et c'est une musique qu'on aime tous les deux. Et du coup, c'est ce qu'on fait. En tout cas, ça fait partie de nos influences. Très bien. Donc, vous avez expliqué, parce que je voyais trip-hop, mais je connaissais pas exactement. Pour moi, c'était de la musique électronique. Je sais que ça envoie bien. Donc, quand c'est bon, c'est bon. Ben, et ça me fait c'est plaisir. C'est un peu lente. Les groupes très connus de trip-hop, il y a par exemple un groupe qui s'appelle Massive Attack. Oui. Il y a eu toute une vague anglaise qui venait entre autres de Bristol, qui est une ville anglaise dans laquelle il y a eu pas mal de groupes de trip-hop. Et il y a Massive Attack et Portishead, des groupes comme ça, des groupes des années 90. Très bien. Donc, avec un rythme très lent, même des fois divisé par deux. Des fois, moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'avais vu ça. Il y avait un morceau qui était à une vitesse normale, et tout d'un coup, ils ont mixé avec un truc qui faisait faisait deux, quoi, finalement, beaucoup plus long. Et donc, c'est un peu sur ce style-là que vous travaillez, quoi, sur un rythme un peu plus long. Quoi. Ouais, on aime bien aussi faire ça, du coup. Mais aller dans l'autre sens, c'est partir sur un truc un peu long, et puis d'un coup, multiplier par deux le tempo pour, en concert, en tout cas, lancer encore plus d'énergie à ce moment-là. Quoi. Et même dans l'absolu, si on le multiplie encore par deux, après, ça fait des rythmes comme le jungle ou des choses comme ça. Non, ouais, la drum and bass, quelque chose comme ça, mais le batteur est pas très content, quoi, quand on augmente le tempo. C'est vrai que des fois c'est des styles différents comme ça de musique électronique. Ouais. Donc vous c'est le trip hop, et puis vous allez vous présenter, donc vous êtes au nombre de deux. C'est un ça. Batteur et une personne, comment on dit, aux machines. Aux machines, ouais. Aux machines, voilà. Ouais. Donc, vas-y, tu commences à... Ok, bah moi je suis Florian et donc je fais des machines, c'est-à-dire du synthé et je lance des samples, c'est-à-dire des petits bouts de musique dans le groupe Roraima. Donc en gros Baptiste qui se présentera après, le batteur, et moi je lance tous les autres sons qui sont pas de la batterie. Donc tous les synthés et tous les samples, les petits bouts de musique qui apparaissent au fur et à mesure des morceaux. D'accord. Et donc la deuxième personne, c'est moi, Baptiste. C'est Baptiste, exactement. Et je suis à la batterie. Je tape sur des bambous et je sais pas si c'est numéro un, mais non, mais voilà, je fais les percussions. J'ai un petit pad aussi, un SPD pour ceux qui connaissent, qui est une petite machine à une percussion numérique, en fait, où quand je tape dessus, ça envoie pareil des samples, mais moi ce que j'envoie c'est essentiellement percussif. Donc c'est-à-dire que c'est des samples aussi, des percussions électroniques. D'accord. Donc j'ai une batterie acoustique, un kit acoustique classique, un peu minimaliste, avec grosse caisse clair tom basse. J'ai pas plusieurs tomes, j'ai qu'un seul tome. Et ce SPD, justement, pour envoyer des percussions électroniques et rajouter un peu de matière et de diversité à notre musique. Ouais, donc vous pouvez prendre n'importe quel son et puis le rajouter de cette manière-là. Ouais, tout à fait. D'accord, donc vous travaillez avec des sons que vous produisez et aussi des samples. Quand c'est des samples, ça veut dire quoi ? C'est des morceaux que vous prenez, ça peut venir d'autres musiques, ça peut venir... Ouais, c'est ça. Après, on a tendance à... En fait, moi je viens du rap à la base, donc j'ai été habitué, j'ai été élevé à ça, au sample, c'est-à-dire d'isoler un petit fragment d'un morceau préexistant de musique et d'en faire une boucle, c'est-à-dire de le faire tourner sur lui-même et de rajouter des éléments autour. Et du coup, moi, il y a pas mal de morceaux que je commence comme ça, sur lesquels il y a des petits bouts de sample, donc on les trafique, on les maquille voilà. Du coup, ils ressemblent plus trop à ce qu'ils sont à la base. Et puis, on a même tendance maintenant à les enlever finalement du morceau. Ils nous ont servi simplement d'inspiration au début. Et donc ils existent plus à la fin, mais c'est vrai que le sample, ça, c'est une matière importante pour notre musique. Ça l'a été en tout cas, et puis ça l'est toujours un peu, en tout cas pour moi. Est-ce que ça peut pas amener justement des problèmes de droits d'auteur, des choses comme ça, quand les gens reconnaissent leur son? On n'en dira pas plus. Nos ingrédients secrets. Donc pour l'instant, ça nous a pas posé de soucis. Ce qu'il faut justement, c'est les maquiller tellement que même les auteurs ne s'en rendent pas compte, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis pas abuser. C'est pareil, il y a eu une mode à une époque aux États-Unis dans le rap où ils mettaient quasiment tout le morceau qui devenait un sample, quoi. Là, il s'agit vraiment que de une demi-mesure ou quelques millisecondes du morceau, quoi. On n'abuse pas, c'est pas une reprise ou un plagiat. C'est vraiment parce que la matière, remix, elle nous intéresse à ce moment-là, quoi. Ouais, un son, c'est vraiment un son. Ouais. Souvent, c'est très court aussi. C'est ça. Non, voilà. Baptiste, excuse-moi, je t'ai interrompu. Florian a parfaitement fini. Je voulais aller dans ce sens-là et c'était effectivement les samples. On a deux manières de travailler qui se sont rejoints en une finalement avec le temps. Mais au début, comme Florian le disait, lui il vient plus du rap hip-hop et moi là-bas je viens plus du rock. J'étais plus batteur dans des groupes de rock avant et à la base mes influences sont plus rock, post-rock, voilà. Et au début des compositions, donc Florian était très des morceaux basés sur des samples et moi sur des synthétiseurs, donc synthétiseurs ou virtuels sur ordinateur, voilà, des sons de synthé. Et au fur et à mesure, avec le temps passant, je crois que nos méthodes de travail ont convergé de sorte à ce que moi je me mets à utiliser pas mal de samples et Florian utilise pas mal de sons de synthé. Et on a vraiment accordé nos méthodes de travail comme ça, quoi. Parce que effectivement, quand on travaille avec des sons préenregistrés où tout est, on fait des boucles, donc tout est millimétré. Et après, il y a un petit côté humain qui n'est plus là. Donc le fait d'avoir une batterie électronique qui joue avec, bon, parce qu'une batterie électronique, c'est pas réglé comme un séquenceur. Hein. Voilà, il y a toujours les petites différences. Il y a le côté humain qui revient quand même. Vous avez quand même voulu garder ça, je pense. Ouais. En fait, c'était l'objectif. Moi, j'étais longtemps frustré, entre autres, quand je faisais du rap. Et quand j'étais en concert, parce que du coup, je faisais les instrus et mon seul rôle sur scène, c'était d'appuyer sur lecture et puis de temps en temps de couper le son pour que le public puisse chanter. Et il me manquait ce rapport organique à la musique et avec une batterie acoustique, un vrai batteur qui est pas au millimètre et qui du coup peut jouer sur ce côté déjà sur la nuance et puis sur ce côté jouer sur le tempo. Effectivement, c'est ce qui me manquait, c'est ce que nous on voulait importer, puis on aime bien, on joue vachement et on aime beaucoup ce rapport de dualité en fait. Comme disait Baptiste, lui vient plutôt du rock à la base et moi plutôt du rap qui est finalement une musique électronique parce que faite avec des machines. Mm-hmm. Et finalement, on voulait jouer sur cet antagonisme là et jouer sur le clash entre les deux, où en fait notre musique et nos concerts, c'est ça alterne des moments où les machines et la batterie, elles sont en lutte l'une avec l'autre et d'autres où elles se rejoignent, voilà. Et puis ouais, ça apporte un côté hyper humain. Et puis, il y a quand même rien de pire qu'un concert de musique électronique où il y a juste un mec qui appuie sur trois boutons et on sait pas ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, moi, ça me rappelle un peu les pionniers de la musique électronique, il y avait Kraftwerk, etc., où ils ne bougeaient pas, ils étaient là, stoïques, derrière leur machine. Ouais, voilà, alors ça a été un parti pris à une époque, parce que Kraftwerk, oui, ils se faisaient passer pour des robots, ils jouaient voilà, ça, plus récemment Daft Punk, qu'on jouait là-dessus, et où on voyait pas trop ce qu'ils faisaient, mais il y avait tout un ensemble de lumières et de vidéos autour, mais ils avaient même été jusqu'au point de se faire passer pour des robots et d'enlever leur tête pour aller au bout du schéma. Mais on voulait pas rentrer là-dedans, en fait. On voulait garder ce côté, comment dire, musique faite par des musiciens, quoi. Parce que mine de rien, on est des musiciens. Oui, tout à fait. Et puis parce que c'est ce qu'on aime, en fait, c'est de partager ensemble avec le public. Donc, ça nous suffisait pas simplement d'avoir une musique hyper automatique où on appuie sur lecture et puis le truc se déroule, quoi. Mmh. Donc là, on garde avec le côté électronique ce côté acoustique de la batterie et du rapport humain. D'accord, bah très bien. En tout cas, c'est la musique finalement qui est, c'est beaucoup des instrumentaux que vous faites, hein. La musique. Ouais, c'est que, enfin, nous on produit que des instrumentaux et on a décidé sur le dernier album là qui est sorti il y a quelques mois maintenant, d'inviter des chanteurs, voilà. Enfin des chanteurs. Oui, il y a que des voix masculines. Mais ouais, d'inviter des voix en fait. Nous, on fait une musique instrumentale et on voulait voir et laisser de la. On se disait que notre musique, elle laissait de la place à des voix possiblement. Et finalement, ça marche pas trop mal. Donc ouais, on invite des chanteurs à poser sur notre musique. D'accord. Donc on va découvrir ce dernier album. Alors c'est un album qui est sorti il y a combien de temps ? C'est Baptiste, le chef des dates. Qui est sorti en septembre 2021. Ouais, il s'appelle Desmo. Il est sorti à la rentrée, j'ai pas la date exacte, mais on va dire septembre 2021. Bah c'est sûr. Enfin c'est ça après la date, mais voilà, c'est sorti. Et voilà Desmo. Donc bon, pour dire deux mots sur l'album, l'idée c'est ça. Ce qui est, c'était de recréer du lien. D'où le, en fait, Desmo, c'est du grec ancien qui veut dire le lien. Et on avait envie de partager notre musique avec d'autres artistes qu'on aime bien. Donc notamment là, en l'occurrence, on a Grand, The Patient et Control Z, qui sont trois artistes qu'on a invités à collaborer sur cet album. Et en fait, on a décidé de faire un pas vers leur univers. Donc on a composé des morceaux en se disant tiens on va composer un morceau pour The Patient typiquement, et on s'est dit c'est un peu ça son univers, on garde notre touche à nous et on fait un pas vers son univers, et lui fait forcément un pas vers notre univers aussi, et ça a donné voilà les trois titres de cet album, où il y a donc Oracle pour The Patient, Cold Spear pour avec Grand et Strengthen Ties. Avec Control Z. Très bien. Ben, vous avez déjà parlé de plusieurs artistes. Il y en a certains que je connais très bien, d'autres que je connais pas du tout. Ben, ça sera justement l'occasion de découvrir. Donc, justement, The Patient, vous le connaissez bien, c'est Alexis qui est déjà venu ici. Il était le chanteur de Tomia. Tomia, voilà, un groupe qu'on a suivi pendant pas mal de temps, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Il a persisté avec The Patient. Hein, il a vraiment un style à lui, bien comme il faut. Et en plus, là, il a un nouveau projet qui s'appelle Evo. C'est et donc c'est un projet qui est en français en plus. Ouais. Donc voilà, très bien. Il nous montre vraiment tout son talent. Et lui c'est pareil. Il vient du hip hop. Il est passé par le rock aussi. Donc ouais. Voilà, un mélange de musique. Il a un style vraiment particulier. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà. Ouais, ça marche hyper bien avec notre musique parce qu'il fait un truc à moitié entre le punk et le rap. Ouais, ouais. Et puis et du coup ouais, c'est hyper. Ça se marie bien avec notre énergie un peu rock et la musique électronique et le fond de les vieilles influences hip-hop qu'il y a dans notre musique aussi. Donc c'est le. En fait, pour tous les artistes qu'on a invités là, comme disait Baptiste, on leur a envoyé des premières ébauches que nous on avait faites, on se disait que ça marchait pour, enfin que ça vous plairait. Et à chaque fois qu'on a reçu leurs retours et qu'on a reçu leurs premières maquettes qu'ils avaient fait à partir de nos morceaux, on était hyper touchés. On se rendait, enfin, on avait, comment dire, ça nous a permis de réaliser à quel point ça marchait bien avec de la voix, quoi. Et donc The Patient, c'est un des exemples parmi ceux-là. Oui. Très bien. Le groupe Roraima, pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Roraima, c'est un plateau montagneux, ouais, qui se situe à la frontière de plusieurs pays en Amérique latine. En l'occurrence, à la frontière du Brésil, du Guyana. Et il y en a un troisième. Venezuela. Et du Venezuela, voilà. D'accord. Donc c'est une espèce de montagne plate, très rocheuse, très minérale, sur laquelle sur le plateau en haut, il y a une végétation hyper luxuriante qui est due à l'altitude et à l'hygrométrie qui est là-bas. Voilà. Pour ceux qui sont cinéphiles ou pour les enfants, il y a le film Là-haut, le film d'animation Là-haut de Pixar. Les décors qui ont été faits à la fin quand ils se promènent avec leur ballon, voilà, bah, les influences c'est le mont Roraima, donc c'est hyper montagneux avec beaucoup de pierres et beaucoup d'herbes et beaucoup de végétaux. Tout ça pour dire qu'on a choisi Roraima parce qu'on aimait ce côté gros bloc monolithique en plein milieu de nulle part, qu'on aimait ce côté bloc à la frontière de plusieurs pays, comme nous on est à la frontière de plusieurs influences. Et puis ce rapport et cette dualité encore, on est deux, on fait de la musique acoustique et électronique, et cette dualité entre le minéral, le truc hyper froid et pas organique, et la végétation qui pousse dessus. Donc d'accord. C'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi Roraima comme nom. Et puis on voulait pas un nom anglais et ça marchait bien. D'accord. Donc forcément, moi j'avais tapé Roraima parce que je m'étais un petit peu renseigné. J'ai vu effectivement, ouais. Et puis on tombait sur des vidéos où ils parlaient même en portugais, parce que bon, forcément, c'était des trucs en brésilien où ils expliquaient. Et puis j'ai dit oui, ben donc c'est une région. Donc j'avais vu un peu tout ce que vous m'avez expliqué. C'est à ça. L'instant. Mais on invite les gens à taper donc Google, ouais, Google dans un moteur de recherche. C'est très ça. Très beau. Et alors il y a deux choses, parce que c'est et une région du Brésil, ouais. Et une montagne. En fait, il y a les deux choses. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc, Roraima, taper Mont Roraima, voilà, c'est magnifique. Ça. D'accord. Exactement. Okay. Enfin, bon, c'était magnifique aussi. Le Brésil, c'est quand même un superbe beau pays qui est très grand. Il y a beaucoup de choses différentes. Mais bon, cette partie-là, vraiment, c'était la grande végétation et tout ça. C'est magnifique, en tout cas. Donc, Roraima. Et le groupe, il existe depuis combien de temps? 2016. Voilà. Voilà, donc c'est un groupe, ouais, là, il a quand même quelques années, hein, ouais. Puisqu'on est en 2022, donc le temps passe très vite. Mine de rien, ça commence à faire un peu. Très bien. Bon, bah, on va écouter le premier morceau. Alors, cet album, il s'appelle Desmo, il est sorti au mois de septembre donc, 2021, donc comme vous l'avez dit. Et on va écouter un morceau, on va pas commencer par le premier, on va commencer par le troisième. Hein. Alors ça s'appelle... j'ai pas mes lunettes. Hein, Osec. Osec, ouais, voilà, j'avais peur. C'est le premier clip du morceau qui est sorti. Donc il y a une vidéo sur YouTube de ce morceau qui est disponible. D'accord. On l'écoute et puis on en parle juste avec après. Avec plaisir. Voilà, c'est parti. Thank you. Voilà, jusqu'à la dernière note, le premier morceau de cet album de Roraima qui s'appelle Desmo et le morceau s'appelle Au Sec. Alors on va en parler un petit peu de ce morceau-là. Alors déjà c'est beaucoup de musique là, les gens qui ont découvert le groupe Roraima pour la première fois grâce à cette musique-là. Donc on voit que c'est la musique électronique, c'est planant, c'est super cool, ça s'écoute super bien. En tout cas, moi j'adore en tout cas ce morceau-là et les autres aussi. Hein. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire justement pour composer de la musique comme ça? C'est une bonne question. un peu tout. Tu disais que c'était planant, c'est aussi... cinématique. Enfin, c'est des musiques. Ça, moi, en tout cas, ça produit des images dans ma tête. Donc, je crois qu'on est tous les deux pas mal cinéphiles. Donc, la musique, enfin, le son à l'image, le cinéma, c'est des choses qui nous inspirent aussi. C'est hyper compliqué le sujet de l'inspiration. Moi, je sais pas trop quoi répondre. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est vrai que quand il y a pas de texte, en fait, c'est plus compliqué de répondre à cette question. Ça peut être une humeur du moment. Ça peut être un petit bout de musique qu'on a dans la tête depuis un moment. Ça peut être un sample, comme on parlait tout à l'heure. Ça peut être plein de choses, ça peut être une discussion, c'est hyper vaste et hyper flou en même temps. Je sais pas si Baptiste, il a une réponse plus claire et plus précise à ça. Non, j'ai pas de réponse plus claire, mais la chose, j'ai cru que t'allais le dire, mais la chose sur laquelle on se rejoint souvent, c'est qu'on arrive plus facilement à composer notre musique quand on est d'humeur un peu mélancolique ou, et c'est ce dont on s'était rendu compte, c'est quand tout va bien, on n'arrive pas à produire. On est un peu sec. C'est ça. D'accord. Et on trouve notre inspiration dans la mélancolie, sans non plus que ce soit une tristesse excessive, mais je crois que ce qui nous inspire, c'est ça, c'est. Dans le spleen, ou dans le. D'ailleurs, c'est un terme portugais que j'aime beaucoup, dans le saudade. Le saudade. Du coup, cette espèce de mélancolie un peu douce, quoi. Un truc pas on est en boule dans son lit et à prendre des pilules, mais plus en mode un truc un peu doux, une petite nostalgie, c'est un truc qui nous inspire vachement. D'accord, bah très bien. Et au sec, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que quand il pleut, il faut se mettre au sec. Non, il y a pas vraiment de raison. Il y a pas de raison. Ça sonnait bien. Je viens de dire là, c'est une blague entre nous depuis qu'on a fait ce morceau. C'est ça. Et ce qui est rigolo en fait pour souligner quand on a parlé du morceau, on n'avait pas donné le titre. On a fait réaliser le clip par Aaron Benjamin, qui est un copain réalisateur qui a fait trois de nos clips. Et du coup, on lui a parlé de l'idée, on lui a envoyé la musique, et il a fait un clip qui se déroule la moitié du temps dans l'eau. Et on a trouvé ça assez ironique pour un morceau qui s'appelle Au Sec. Ouais. Mais c'est pareil, je crois que les titres c'est des inspirations, on a Des fois, c'est des mains qui se baladent sur le clavier et ça fait un titre. Des fois, c'est une faute de frappe. Mais franchement, je sais aucun souvenir de pourquoi il s'appelle comme ça ou à quel moment ce fichier a été nommé comme ça dans notre ordinateur. Je sais pas. Ouais, vous parlez de fichiers. C'est les morceaux, c'est des choses que vous composez. Et comment ça se passe? C'est il y en a un qui amène une idée, l'autre vient en complément ou? Ouais, c'est ça. On a vraiment découvert notre façon de travailler. Enfin, on l'a formalisé pendant le confinement, parce que forcément on pouvait pas se voir. Avant, on travaillait un peu comme les groupes de rock où on se retrouvait, on faisait le bœuf, Baptiste à la batterie, moi aux machines. Et en fait, avec le confinement, on pouvait plus avoir ce mode de travail et on s'est mis à s'envoyer chacun des petits bouts d'idées en se disant, hey, toi, vas-y, essaye de faire des trucs par-dessus et en faisant du ping-pong en fait, en se renvoyant les trucs au fur et à mesure. En se disant, ah, là, il y a une idée qui est un peu bonne, celle-ci, il faut peut-être l'enlever un peu, ou un peu, épurer la chose. Donc, voilà. Et comme on disait tout à l'heure que, donc, Baptiste est, en tout cas, dans le groupe sur scène, joue de la batterie et moi des machines. Mais quand on compose, il n'y a pas du tout ces rôles-là, en fait. On est tous les deux, on compose tous les deux sur un même pied d'égalité. Et donc, on se renvoie les choses et chacun, à notre tour, on essaye d'enrichir le morceau qu'on est en train de composer. D'accord, très bien. Donc c'est une très bonne méthode. C'est toujours comme ça ou c'est disons, vous avez expliqué quand même que ça avait évolué, qu'au départ vous vous retrouviez, maintenant ça a été un petit peu différent. Mais maintenant vous allez conserver cette méthode-là pour la suite ou? Ouais, je pense. On continue. Après, il y a toujours un moment où on est obligé de se retrouver. Enfin, il y a toujours un moment où on se retrouve pour mettre en commun ces choses-là et pour les confronter au moins dans la discussion et pour travailler ensemble sur le projet. Mais ouais, on aime bien, je crois, tous les deux avoir ce moment où on est chacun seul et sur ce projet collectif, en fait. Et où, du coup, on se renvoie un peu la balle. C'est bien parce que ça nous laisse le temps chacun de travailler, de réfléchir sur le truc, de se le réécouter, d'y revenir. Et puis, quand on se voit, du coup, il y a le plaisir de mettre en commun ce dont on a, ce sur quoi on a travaillé pendant ce temps avant, quoi. Ouais, ouais. Et puis, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette méthode, c'est, qu'on travaille jusqu'à un point. Enfin, moi, je sais que je fais comme ça, mais toi aussi un peu. En fait, on commence sur une idée. J'ai une idée d'une petite mélodie au synthé. Je la développe et au bout d'un moment, je vais être bloqué dans le sens où je vais pas avoir l'inspiration sur le moment. Et avant, ce que j'aurais fait, c'est je ferme le projet, je me laisse quelques jours et j'y reviens. Et là, du coup, au moment où je me retrouve bloqué, je le ferme, je l'enregistre et je l'envoie à Florian. Et il va agrémenter d'une idée, il va me la renvoyer, et là, ça va m'avoir débloqué, et en fait, ça permet de faire avancer les choses comme ça, et c'est hyper intéressant. Ouais. Et puis, on est souvent le plus mauvais juge de son travail. Enfin, nous aussi, y compris. C'est ça. Dans un sens comme dans l'autre, hein. Oui, on peut trouver tout ce qu'on fait très pourri, tout comme être hyper, hyper dithyrambique avec tout ce qu'on fait, et c'est bien parce que, l'un comme l'autre, on est hyper franc avec ce que fait l'autre, et tout en disant là il est temps de s'arrêter. Enfin, du coup, on est au bout du truc, le morceau est fini, parce que c'est compliqué des fois de se dire quand est-ce qu'un morceau est fini. Tout comme se dire là, écoute, je crois qu'il faut arrêter sur cette idée parce que c'est pas le bon, t'es pas parti dans la bonne direction. Et c'est vrai que c'est important en fait d'avoir quelqu'un qui a le recul quand nous on est un peu la tête dans le guidon et qu'on sait plus trop juger ce qu'on est en train de faire. Est-ce que des fois il y a aussi des projets, par exemple il y en a un d'entre vous qui dit voilà, moi j'aimerais bien un morceau comme ça, et puis non, ça le fait pas, et puis vous dites bon, on abandonne, ou alors vous dites tiens, il y a peut-être une manière de le faire évoluer ou remodeler. Ouais, je crois que c'est plus ça en fait, c'est plus se dire il y en a un qui a envie de quelque chose et l'autre du coup les deux, on se dit toujours à chaque fois qu'il faut qu'on agrémente de nos influences respectives, donc il y a toujours, on n'est jamais fermé. Et on n'est jamais définitif sur ce qu'on propose. Moi, j'ai jamais ramené un morceau en disant voilà, il faut qu'il sorte tel quel et t'as pas ton mot à dire. Ça marcherait pas. D'une part parce que maintenant, comme on disait tout à l'heure, ça fait un petit moment maintenant, enfin ça fait 5 ou 6 ans, et on a réussi à créer une espèce de son ou d'identité. Et faire ça, en fait, ce serait, et notre l'identité de Roraima, c'est notre identité à tous les deux. Donc faire ça, ce serait le meilleur moyen de casser ce truc-là. Donc ouais, on a besoin de l'autre pour pas perdre cette identité, quoi. D'accord. Ouais. Et puis je crois que ça se fait assez naturellement en fait. Il y a jamais, à chaque fois qu'on a qu'on a rejeté entre guillemets des morceaux, enfin rejeté, c'est-à-dire les idées, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne direction. En fait, on tombe toujours assez d'accord. En fait, ouais, ouais. Ça nous empêche vraiment pas d'être franc et de se dire là, c'est pourri, mais de se le dire avec bienveillance. En fait, ça marche toujours, quoi. Mm-hmm. Et puis quand c'est dans le sens de la musique et que c'est bon pour la musique, c'est accepté. D'accord, très bien. Bah, je propose qu'on écoute un deuxième morceau alors. Avec plaisir. Alors le deuxième morceau qu'on avait choisi, bah, justement cette fois-ci, c'est le numéro 1, c'est la piste numéro 1. Donc le morceau s'appelle Press Play. Donc voilà, je vais le dire avec l'accent français, forcément, parce que moi j'ai dû. Ça nous va. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais appuyer sur la touche Play. Ben voilà. Et, c'est une invitation. D'accord. Et ben allons-y. Alors c'est parti. Le groupe Roraima sur Radio Arc-en-Ciel. Possible atteindre à mort. Je suis venu pour te s'affoler. Cette lourde page, tu dois tourner. Comme l'enterrement était une fête, comme le veut la tradition. Allons exhumer sans pincette. Chantal est partie, je te vois bien te dégrader. Tu ne t'habilles qu'en panzeri, faudrait penser à te laver. Allez, viens donc, on va sortir comme avant, rentrer à pas d'heure pour arriver à rebondir, retrouver ton teint, ta fraîcheur. Arrête de te laisser aller. Une de perdue, c'est pas gagné. Comme l'enterrement était une fête, comme le veut la tradition. Allons exhumer sans pincette, déterrons ta vie de garçon. Cercueil qui renferme quelques boissons. On a tous droit à des écueils. Va pas finir en vieux garçon. Casani, que toi c'est mort. Chantal a peut-être pas eu tort. D'écouter un morceau qui était enregistré il y a deux semaines, c'était dans l'émission numéro 497 et c'était notre ami Mourad qui avait interprété ce morceau en direct live et le morceau s'appelle Ta vie de garçon. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe invité de cette semaine, donc c'est pour l'émission numéro 499, le groupe Roraima, et on a déjà découvert deux morceaux de leur univers. Alors il y a un album qui est sorti il y a pas très longtemps, donc au mois de septembre 2021. L'album s'appelle Desmo et puis on va justement continuer à discuter avec eux pour savoir par exemple où est-ce qu'on peut se le procurer cet album. l'album qu'on a écouté là, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors il est déjà en écoute sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music. Et puis après on a un site internet, donc roraima.fr, voilà, sur lequel il est disponible en téléchargement à prix libre. Ouais. Je sais, oh non, c'est le premier, celui-là, je crois que c'est 5 euros minimum. Ah ben, c'est bon, et c'est le premier qui est à prix libre. D'accord. De la réclame. Et après, le CD en physique, il est disponible en nous écrivant sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, ou bien en venant nous voir à nos concerts. Ils sont en vente à la fin des concerts. D'accord, très bien. Alors cet album-là, il est sorti c'est un album qui a 6 titres, c'est ça, hein, si j'ai bien compté. Ils sont pas numérotés, il me semble, mais il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à fait. Et vous l'avez enregistré, comment s'est passé l'enregistrement? Alors on l'a enregistré, les batteries ont été faites chez notre ami Stéphane, Studio Émergence à Châteauneuf-sur-Loire. Je connais très bien, voilà, qui est le Studio Émergence, dans lequel on a enregistré la chanson de l'émission, Mavrika, voilà. Donc Stéphane, il vous a accueilli, vous avez enregistré chez lui, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. En fait, pour la petite anecdote, on a enregistré les parties de batterie la veille d'être confiné, du premier confinement, le tout premier. Donc je sais plus, on a été confiné en quelque chose comme un 17 mars ou un truc comme ça. Ouais, ça fera deux un ans. Un mardi partout, hein, et du coup on a enregistré les parties de batterie le lundi. Et voilà. Et après donc il y a eu toute une partie de mixage qui s'est faite pendant le confinement. Et si ça a été aussi long, en fait, c'est qu'en fait on a refait des choses, on est revenu dessus un petit peu. Le fait d'avoir le temps pendant le confinement nous a permis de prendre du recul et de se dire bah tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire les choses comme ça, et voilà. Ouais, on l'avait composé avant le premier confinement. Comme dit Baptiste, on était parti en studio pour enregistrer les batteries, puisque ça fait partie des seules choses qu'on a enregistrées, vu que le reste c'est des synthés. Mmh. Et il s'avère que le premier confinement, comme plein de gens, on s'est rendu compte que ce qui nous manquait, c'était le lien avec les autres. Et le rapport physique, c'est un grand mot, mais en tout cas le fait de voir des gens, de voir des amis, de voir des copains, de partager la musique, de partager des moments. Et forcément déjà entre nous deux, et puis avec les autres personnes qu'on côtoie, les autres groupes qu'on côtoie quand on est en concert, sur la route, tout ça. D'où l'idée, en fait, ça nous a permis, ou je sais pas, ça nous a obligé à repenser le projet qu'on était en train de faire. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on voulait inviter des gens pour justement, comment dire, pour illustrer ce lien qui nous manquait à ce moment-là, qu'on était confinés chez nous. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Desmo, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, mais comme tout le monde je pense, de l'importance du lien en fait, et du contact avec les autres. Mmh. Oui, effectivement, ça nous manque, et puis heureusement là, apparemment ça va s'améliorer un petit peu, et donc bientôt je suppose que vous allez reprendre un petit peu les concerts. Hein. Ouais, tout à fait. Il y en a quelques-uns d'annoncés là. Ouais, on en a la semaine prochaine, le 5 mars, avec les copains de First Draft. Un groupe tourangeau. Voilà, c'est à La Châtre, au sud de Châteauroux. C'est ça. Et il y en aura ensuite un à Orléans. Il y en aura un à Orléans le 2 avril, au Dropkick. Mmh. Avec les copains de Drive to Amnesia. Et puis après, on a d'autres dates qui sont en confirmation, qui sont en train d'être confirmées. On n'a pas encore. Là, comme ça, c'est en train tout juste de reprendre. C'est ça. L'été voilà. Se prépare. Exactement. Très bien. Donc, au fur et à mesure, de toute façon, on peut aller, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, sur le site. Hein, ouais. Donc, roraima.fr. Voilà. Et puis, il y a même tous les liens vers nos réseaux sociaux, sur lesquels on met de l'actu régulièrement, des photos ou les dates de concerts ou les choses comme ça. D'accord, très bien. Donc comme ça, au fur et à mesure, vous allez l'annoncer. Ouais. Parce que là, finalement, c'est le début, c'est les premiers concerts, mais il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. C'est ça. Et puis c'est un peu frustrant parce que du coup, comme disait Baptiste, on a commencé à enregistrer cet album au tout début du premier confinement. Et puis avec les histoires de conditions sanitaires, de festivals et de choses comme ça, on a quasi pas joué. Ce projet sur scène, on n'a pas trop eu d'occasion. On a fait un très beau concert l'an dernier, l'été, dans un festival à Yzeure-sur-Creuse, dans la Creuse, qui s'appelle Yzeure & Rock, juste après Boulevard Désert et juste avant Vladimir Cauchemar. C'était vachement bien. Mais du coup, il nous tarde en fait de pouvoir le jouer parce qu'on l'a quasi pas joué sur scène, quoi. Donc, on a hâte que ça reprenne. Et ça va reprendre. Enfin, ça reprend. Et ça va reprendre. Voilà. Donc, il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là. Il y en a des moins bonnes d'ailleurs. On est tous un petit peu au courant. Est-ce que justement l'actualité vous inspire aussi pour vos morceaux ou... Ouais, bien sûr. Comme disait Baptiste, ce qui nous influence le plus, c'est notre mood, notre état d'esprit du moment. Donc, forcément, l'actualité, elle joue dedans. Et en fait, on a remarqué que c'est souvent un peu a posteriori, quoi. C'est pas sur le coup. Par exemple, on a très peu. Moi, je me faisais la réflexion que pendant le premier confinement, en tout cas, parce que c'est celui qui a été le plus contraignant. Moi, j'ai quasi pas composé de musique, en fait. Mais tout simplement parce qu'on vivait pas de choses. On vivait des choses, mais on était enfermés chez nous, en tout cas bloqués chez nous, à pas pouvoir voir de gens, à pas pouvoir vivre de choses, vivre à l'extérieur, expérimenter. Et du coup, moi, ça fait que j'avais aucune inspiration, quoi. Effectivement, l'actualité, elle joue. Peut-être que le confinement un jour ou que ce qui se passe en ce moment, ça nous influencera. Mais j'avoue que pour l'instant, c'est pas trop le cas pour moi, en tout cas. Et puis l'inspiration, ça se commande pas. Ça vient quand ça vient. Hein. C'est ça. Et puis on fait une musique qui est pas une musique de texte. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de mettre des de le retranscrire de façon musicale, quoi. C'est peut-être, en tout cas, je me dis que c'est peut-être un peu plus simple avec un stylo. Voilà. Ouais, exactement. Et puis je crois que aussi le truc sur lequel on est tombé d'accord tout de suite, c'est que on n'avait pas dans Roraima, on n'avait pas envie de revendiquer quoi que ce soit en fait. On avait juste envie de faire de la musique, simplement. De dire nous, on voilà, on a tous les deux des convictions fortes qu'on défend dans notre vie, mais en fait, Roraima c'est pas le lieu en fait. Roraima c'est le lieu du voyage, de l'évasion. On a envie de proposer aux gens. Bah comme on en parlera peut-être tout à l'heure, notre premier EP qu'on a construit comme un voyage, comme une ascension. Et c'est vraiment ce genre de choses qu'on a envie de proposer. Et voilà. Et je crois pas qu'on ait envie de faire quelque chose qui se veut engager, en fait. Même si, par ailleurs, nous, on est... Vous avez des convictions, exactement. Vous avez des choses à défendre, mais pas à travers la musique, exactement, forcément. Exactement, pas à travers projet, après, en tout cas. Ça nous influence, mais pas de là à se dire ce morceau-là, il traite de tel sujet ou machin, c'est pas... c'est pas l'esprit. Il y a des groupes, c'est comme ça, ils aiment bien parler de certaines choses parce qu'ils ont envie de... Et tant mieux. Et tant mieux. Mais vous, c'est la musique pour la musique. Et puis après, il y a forcément des choses derrière, mais vous les exprimez pas forcément. Et comme ça, les gens peuvent s'accaparer aussi vos morceaux en disant, voilà, moi, ça me rappelle tel ou tel en, tel moment. C'est ça. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont pas tous la même lecture des morceaux, en fait. Ça nous va très bien. Et comme disait Baptiste, le mot important, c'est voyage. Et ce qu'on veut, c'est que les gens, ils s'évadent avec notre musique. Et si jamais, c'est pas à l'inverse d'un groupe engagé, mais en tout cas, le but, c'est que dans ces temps un peu troubles, dans tous les sens, avec ce qui se passe en ce moment, les échéances, qu'elles soient électorales ou autres, qui vont arriver bientôt, juste de proposer un moment où d'évasion et une parenthèse dans tout ça, quoi. C'est ce que vous faites un peu lors de vos concerts, hein, quand j'ai l'occasion de vous voir aussi. Donc pendant ce moment-là, ben, on vous voit sur scène, vous interprétez les morceaux. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué d'interpréter les morceaux, justement, où vous avez fait intervenir des gens? C'est le côté un petit peu frustrant des morceaux. Bah oui, parce que là, le jour où vous êtes en concert, vous n'avez pas forcément les mêmes personnes qui sont intervenues. Bah c'est ça. Bah du coup, c'est cool pour nous parce que les setlists et les programmes des concerts changent à chaque fois. Et puis on essaye de trouver des petites solutions pour pouvoir quand même jouer au moins des bouts de morceaux ou des choses comme ça. Avec en tout cas les chanteurs, c'est vrai que c'est compliqué, mais dès qu'on pourra jouer avec eux, on le fera avec plaisir. Très bien, donc peut-être des intervenants lors de vos prochains concerts. Ah, avec plaisir. Voilà. Très bien, on écoute encore un troisième morceau, parce que là finalement on a pas mal de morceaux à écouter. On en a écouté deux, on s'est régalé tout à l'heure, donc il y en a un troisième qui est calé sur la platine, qui s'appelle Cold Spear. C'est celui-là, hein. Oui, tout à fait. Voilà. Avec le groupe Grande. Grande. Voilà. Moi, j'avais présenté Grandé. Je savais pas comment ça se présentait. Mais ce morceau-là, il est excellent. Moi, j'adore aussi, hein. Franchement, ce soir, on va découvrir plein d'artistes à travers votre musique. Et là, donc, c'est Grande. Ça se prononce comme ça. Oui. Voilà. Tout à fait. Et le morceau s'appelle Cold Spear. Et c'est le groupe Roraima. Thank you. souffre aussi. Trombone et trompettiste, les voisins souffrent autant. Au diable les guitaristes. Deux morceaux à la suite. On a commencé justement par le morceau de Roraima qui s'appelle Cold Spear avec Grande. Et juste après, c'est une découverte. Hein. C'est un CD que j'ai reçu hier. Voilà, c'est notre ami Zif qui me l'a envoyé. Et c'est justement Mona Lisa 2020. Et donc on a écouté tiré de cet album Mona Lisa 2020. Donc Vincent et Mona, leur raison d'être. Voilà, on va découvrir tout cet album-là au fur et à mesure des émissions. Et aujourd'hui, donc c'était le premier extrait. Et on fait un petit coucou à notre ami Zif qui nous écoute. Et qui nous a mis des petits messages. On va remercier aussi Fabien, Franck, Aurélie, Jean, Frédéric, Arnaud, Alain, David, Dom, Georgia, Julie, Brigitte, Monsieur Alex, François, David, et puis il y en a encore d'autres. C'est des gens qui ont mis petit j'aime, voilà, tout simplement sur le Facebook de l'émission Mon Africa. Ça fait toujours plaisir. Georgia et David, voilà. Parmi tous ces gens-là, il y a énormément d'artistes. Hein. La grande majorité, c'est des artistes. Ça peut être des photographes, ça peut être des chanteurs, ça peut être des écrivains. Et ça fait plaisir de savoir que s'ils savent exactement que c'est l'émission, c'est leur émission. Et ce soir, c'est l'émission du groupe Roraima. Et on a écouté justement un morceau qui était super, super agréable à écouter. Moi, j'aime bien ce que vous faites, en tout cas. Ça nous fait voyager, je pense que le but est atteint. Et donc ça s'appelle Cold Spear. Et justement ce style de musique, il y a pas beaucoup de représentants de ce style de musique dans la région orléanaise. Dans la région orléanaise, je crois pas. Et puis plus globalement, même je crois en France, c'est pas une musique qui est très représentée. Ce qui est plus présente. Il y a des scènes un peu plus en Australie, Nouvelle-Zélande ou un peu Europe de l'Est, mais effectivement c'est pas un style qui est très non le trip hop. Il y a eu une vague à une époque avec des groupes comme Wax Taylor ou des choses comme ça, mais qui étaient un peu plus jazzy, un peu plus organique, moins électronique que nous. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'artistes en France qui font une musique qui se rapproche de la nôtre. Justement, c'est bien aussi d'avoir votre style musical. On prend. Parce que sur la région orléanaise, quand on écoute de la musique comme ça, on se dit, tiens, ça c'est Roraima. Voilà. Yes. Quelque part, c'est une signature en même temps. C'est ça. Voilà, vous m'avez parlé de votre inspiration. Quelle est votre inspiration? Par exemple, quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Les artistes que... Ils seront forcément différents. Pour nous deux, on peut peut-être parler des groupes qu'on a aimés. Enfin, alors moi, comme disait Baptiste au début, j'aime plutôt du rap, donc j'ai écouté beaucoup de rap quand j'étais plus jeune, et du jazz parce que c'est une musique d'où je viens aussi, puisque voilà, j'en avais beaucoup à la maison quand j'étais petit. Donc voilà, beaucoup de musique, on va dire groove, et de musique afro-américaine. Et puis j'ai une grosse partie aussi qui rejoint l'idée du voyage de musique du monde. Voilà, j'ai beaucoup écouté et j'écoute encore beaucoup de world music et de musique du monde. Et puis de la musique électronique. Je crois qu'on n'a pas vraiment de. On est tous les deux assez éclectiques dans nos goûts. On aime la musique tout court. Et ouais, quand c'est bien fait, voilà, vous aimez. Voilà, c'est tout simple. Ouais, c'est ça. Et puis quand ça nous touche et que ça nous fait voyager. Après, il y a des styles sur lesquels on se retrouve. On parlait de la musique à l'image, de musique de film. C'est des trucs qui nous plaisent aussi tous les deux. Et puis de la musique ce qu'on appelle de la trap music, qui est une musique un peu dérivée du rap, qui est une musique qui est faite de basses très très lourdes. Et voilà, une musique un peu très entêtante. Voilà, après Baptiste, je sais pas, peut-être un peu plus rock aussi ou post-rock. Ouais, je crois que comme un peu tout dans l'histoire de Roraima, on a commencé avec des influences propres, et je crois qu'au fur et à mesure du temps elles se rejoignent, et puis là on se fait découvrir des trucs. Voilà, Florian me parle de certains artistes, j'écoute là on s'échange nos découvertes, et du coup là on partage nos découvertes musicales, je veux dire, mais on n'a pas, pour en revenir à la question de base qui était qu'est-ce qui nous influence musicalement, en fait, on n'a pas d'artiste vraiment de trip-hop qui nous influence directement, c'est ça qui est, et c'est un peu la particularité, c'est-à-dire qu'on va être plus influencé par des choses qui sont plus rock, où moi j'ai été hyper influencé par des. On a un morceau qui était par des mélodies de Debussy. D'accord. Complètement. Enfin voilà, une ligne de piano. Ouais, en fait, c'est ça. Le truc, les musiques. Enfin moi en tout cas, les artistes que j'écoute le plus, c'est Baptiste, c'est pareil. Ils font pas du tout la musique qu'on fait. Donc c'est juste, ça enrichit et ça vient apporter quelque chose à notre musique. Mais on copie, puis on a passé peut-être l'âge de copier, ou en tout cas d'être dans ce rapport direct à des influences, quoi. C'est plus des trucs qui nous enrichissent, et puis on essaie de faire notre sauce avec tout ça. Et avec une espèce d'identité qu'on a affirmée au fur et à mesure des 6 ans d'existence du groupe. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, donc c'est vraiment votre signature, c'est votre style à vous, que vous, même si vous avez des influences que vous piochez à droite à gauche, et ben quelque part vous construisez votre univers. Après, sans parler d'influence, par contre, ce sur quoi on est hyper attentif, j'en profite parce que c'est le thème de l'émission aussi, mais c'est les groupes de la région, et ça c'est un truc auquel on fait hyper attention, et auquel on scrute un peu tout ce qui se passe, quoi. Donc même si c'est pas dans notre style, voilà, les groupes qu'on a invités là, que ce soit Grand, The Patient ou Control Z, First Draft avec lesquels on va jouer bientôt, c'est des choses aussi qui peut-être nous influencent, ou en tout cas sur lesquelles on se tient au courant, et on aime écouter les trucs de la région qui nous plaisent, en tout cas, et que ce soit d'Orléans ou de Tours, de toute la région centre, quoi, du coin. Très bien. Il y a des gens avec lesquels vous avez peut-être déjà joué, que vous avez envie de parler. On a parlé tout à l'heure de Grand, de Patient, je regarde parce que j'en oublie un, Control Z. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous appréciez aussi, que vous avez déjà rencontrées? Il y en a plein. Mais on va parler de ceux du coin peut-être, mais il y a First Draft avec lesquels, donc on en parlait tout à l'heure, avec lesquels on joue la semaine prochaine. C'est dans le 36. Ouais. Et du coup, qui a un duo batterie-basse assez rock, enfin très rock même, mais qui est hyper une énergie assez folle. C'est une batteuse et un bassiste. C'est la batteuse qui chante. Et ouais, c'est assez fou. Moi, je sais que j'ai pris une petite gifle en écoutant ce truc-là. Et puis après, est-ce qu'il y a des groupes avec lesquels on aimerait beaucoup bosser? On a eu la chance de travailler avec un membre d'un groupe tourangeau historique, pour le coup, qui fait une musique à une époque qui ressemblait à la nôtre, qui s'appelle Ezekiel, qui est un groupe tourangeau de dub à l'époque, et qui maintenant fait une musique qu'on va qualifier de post-rock ou de dub-rock post-rock. Et voilà, donc on a travaillé avec la personne qui joue des claviers dans Ezekiel, c'est pas de Johan. Et puis ils sortent un album, ils jouent bientôt, ou ils ont déjà joué à l'Astro. Non, ils jouent bientôt à l'Astro, je crois. Ouais, parce que leur date a été reportée. Allez, donc on vous invite à aller les voir. Et puis voilà, des groupes où on a joué il y a pas longtemps avec pareil des vieux, c'est pas beau de dire ça, mais des groupes historiques de la scène dub française, parce que pour le coup c'est de la musique qu'on a écouté tous les deux, donc cette espèce de reggae sans parole hyper planant. Et donc voilà, on a eu la chance de jouer en première partie de Zenzile et d'Aiton, qui sont deux des grands groupes phares de cette scène à une époque en France, et qui continuent de tourner. Et voilà, ça fait partie des plaisirs qu'on a eu, ou des premières parties qu'on a faites et qu'on a sur lesquels on a, ça nous a bien plu, quoi. En tout cas, on a été honorés de faire ces premières parties. Bah, c'est bien, vous nous donnez envie de rencontrer ou d'écouter déjà les artistes que vous avez énoncés. Dans la région orléanaise, vous allez faire des concerts encore, vous allez partager encore des scènes avec d'autres personnes. À chaque fois, c'est des moments de rencontre, c'est des... Comment ça se passe avec les autres artistes? Bah ouais, il faut. Sinon, ça sert à quoi de faire de la musique? C'est pour rester dans son coin. Donc ouais, c'est. Ouais, mais nous, on est d'accord là-dessus. C'est vrai que moi, j'aime bien, moi, en tant que, des fois, je vais à des concerts, je vois des artistes qui jouent. Après, ils écoutent les autres. Ils sont là dans la salle en train d'écouter les suivants. Mais il y en a aussi certains, ils jouent leur truc et puis ils s'en vont. Ils prêtent pas du tout d'intérêt aux autres et donc moi c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Et alors que c'est l'occasion justement de rencontrer, d'écouter autre chose. Ouais. Et puis de partager des moments et de partager des choses et puis de voir ce qui se fait dans la région. C'est marrant parce qu'on a la chance d'être, on travaille tous les deux. Enfin Baptiste et moi on travaille tous les deux dans une salle de concert à Orléans qui s'appelle Le Bouillon, qui est la salle de l'Université d'Orléans. Donc Baptiste est régisseur son de la salle de concert et puis moi je travaille les soirs de concert là-bas. C'est vrai que ça me manque un petit peu, mais c'est une salle que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le son. Ouais. Elle a un son qui est très feutré, très très agréable. J'adore parce que il y a des fois on va à des concerts, bon il y a la réverb, il y a plein de choses comme ça. Bon, on va, on est content, mais le son c'est pas ça. Et Le Bouillon c'est un des endroits, l'Astro, Le Bouillon c'est les endroits où j'écoute vraiment de la musique. Bah, c'est pas un très grand lieu, donc il y a ce côté club où c'est assez mat et assez compact. Mais du coup en travaillant là-bas, ça nous permet, enfin on est aussi de l'autre côté du miroir en tant que technicien. Et on se rend compte qu'effectivement les meilleurs souvenirs de concerts, c'est des concerts sur lesquels les artistes y partagent, qui restent pas dans leur loge toute leur soirée. Donc on essaye nous aussi de faire ça quand on est sur nos concerts, quand on joue nous. Et puis parce que c'est un truc qui nous plaît, quoi, c'est de rencontrer les autres, de rencontrer des lieux, de rencontrer les techniciens et même les bénévoles qui font vivre tous ces lieux-là et puis les autres groupes. Ouais, c'est hyper important. Mmh. Justement, à propos du Bouillon, est-ce qu'il y a pas des dates justement à annoncer? Au Bouillon, oui. Bah, c'est Baptiste qui connaît le programme. C'est Baptiste. Laissez-lui le temps de chercher sinon dans son... On va le laisser chercher un petit peu. C'est une question que j'ai posée comme ça, mais bon, c'est vrai que c'était pas du tout prévu. On peut en parler rapidement. Ouais, le prochain concert, on a eu un concert hier avec Hussard, qui était très belle découverte. Enfin, je connaissais deux noms, on avait écouté, mais c'était vraiment une très belle performance scénique, une douceur avec une voix grave qui se rapproche un peu de Woodkid, avec des pointes de Julien Doré, une voix très grave, un peu crooner comme ça. Crooner un peu électro, ouais, c'était vachement bien. Et c'était une belle découverte hier. Et la prochaine date, c'est le 10 mars avec Animal Triste et Bigger. Genre, c'est quel genre de musique? Eh ben, je ne sais même pas. Ok, pardon, je t'ai posé une colle. Mais je vous invite à aller sur la page du Bouillon pour en savoir plus. Mais ouais, c'est une belle salle, il faut y aller, c'est une petite salle, et du coup, on est très près des artistes, et puis, comme tu disais, le son, du coup, est hyper, hyper agréable, quoi. C'est un club, donc c'est tout petit, c'est tout petit. Il y a 180 places. Oui, c'est quand même bien, quoi. Mais c'est compact. Et c'est ça qui est compact. Cool. Le son, c'est feutré. Là, on voit que c'est, au niveau acoustique, ça a été traité. Donc, ça sort très bien. Et puis, on passe des bons moments. Et puis, à chaque fois, il y a plein de découvertes. Moi, j'y vais assez régulièrement. Et effectivement, j'ai découvert pas mal de gens, des artistes de la région. Et aussi des gens, d'ailleurs, qui passaient. Et puis, je dis, tiens, c'est l'occasion de les découvrir aussi. Et des fois, justement, quand il y a deux groupes, il y a un premier groupe qui joue, un deuxième, donc on va voir un, on découvre le deuxième, et puis voilà, c'est un petit peu le but aussi. C'est ça. Ouais, et puis c'est le parti pris de la salle, c'est des artistes vraiment émergents, qui sont pas aussi confirmés ou qui tournent pas autant que des groupes comme à l'Astrolabe, par exemple, qui est la salle du réseau de salles de musique actuelle de la ville d'Orléans. Donc c'est vraiment l'occasion de soutenir et de découvrir des artistes qui seront un peu plus haut dans quelques années et de se dire j'y étais avant et puis parce qu'on découvre des trucs vachement vachement intéressants, quoi. J'avais été voir là ça me revient parce que tout à l'heure on parlait justement de configuration atypique de certains groupes, donc la chanteuse qui était batteuse en même temps, et moi j'avais été voir un groupe où il y avait deux batteurs. C'était tout à fait, c'était Paus, un groupe portugais. Exactement. C'est pour ça que c'était un groupe que je connaissais déjà donc depuis un petit moment, et je me suis dit tiens, le groupe vient là, et donc j'avais été les voir là-bas. J'avais découvert, donc effectivement, deux batteurs, c'est un peu un peu particulier, sachant en plus que les batteurs étaient en avant alors que les musiciens étaient à l'arrière. C'est donc une configuration complètement différente. Et donc, mais par contre, ça envoyait bien, c'était super, ouais. Super agréable. Pas au choix. Ouais, c'était un très beau concert, ouais, je m'en souviens. Ouais, ça fait déjà il y a ouais, quelques temps. Hein. C'était il y a au moins 5-6 ans. Hein. Mais je pensais pas retrouver ce groupe-là ici, quoi. Voilà. Ouais, mais voilà, ça fait partie du genre de programmation qui est proposé à l'Astro, au Bouillon, pardon. Très bien, c'est bien d'en parler. D'ailleurs, à ce propos-là, je voulais dire aussi, il y a une nouvelle page, parce qu'avant, il y avait la page de l'agenda de Mavrika, mais alors, les trucs de Facebook, alors je comprends plus pourquoi, j'arrive plus à partager sur cette page-là. Donc, à chaque fois que j'étais invité à un spectacle, ou alors, simplement, je traînais un peu sur la toile et je trouvais un spectacle, je le partageais sur cette page-là. Cette page-là, j'arrive plus à partager, je sais plus pour quelle raison. Je peux toutes les autres, sauf celle-là. Donc, j'en ai recréé une autre, qui s'appelle le nouvel agenda de Mavrika. Tout bêtement, donc c'est tout récent. Allez-y, il y a toutes les dates de la région orléanaise. Et j'invite justement les gens qui organisent les concerts à y aller, hein, ou même les groupes à poster vos événements, de manière à ce que tout le monde soit au courant. Voilà, c'est une page qui est consacrée à ça. Donc le nouvel agenda de Mavrika, c'est sur Facebook. Et puis vous tapez donc ça, et vous tombez sur toutes les dates de la région. Voilà. Donc ça a été fait régulièrement, et donc il y a plein de choses. Alors effectivement, à un moment, j'avais un assistant qui faisait l'agenda de Mavrika dans l'émission Mavrika. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vous invite à aller à cet endroit-là. Et ça va nous amener aussi à parler du Creek Fest. Justement, je vais chercher un petit peu l'événement, on va en parler après, parce que normalement j'avais des gens qui devaient intervenir, mais je les vois pas venir, donc c'est pas bien grave s'ils m'écoutent. Ça se trouve ils sont occupés, hein, parce que le Creek Fest c'est demain l'événement, et ça se passe à Cléry-Saint-André, si je me trompe pas. Ils sont peut-être un peu mobilisés. Ouais, mais voilà, à mon avis oui, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent bien, il y a toujours des choses qui, on a toujours peur jusqu'au dernier moment. Vous qui organisez des événements, vous savez comment ça se passe. Il y a un peu de stress, et puis au dernier moment, il peut y avoir une chose qui marche pas, et puis alors là tout le monde est coincé. Ouais, mais ça nous est arrivé la semaine, enfin hier du coup au concert, donc on sait ce que c'est. D'accord. Au niveau technique, non? Ouais, c'est ça. Souvent c'est ça. Un bug technique au dernier moment. Ou alors des fois aussi des gens sur lesquels on compte qui finalement ne peuvent pas venir au dernier moment, et puis des fois c'est un petit peu compliqué aussi. C'est voilà. Très bien. Bon, on va écouter justement le morceau avec The Patient, que j'ai vu aussi au Bouillon. Alexis m'avait invité, et puis j'avais été le voir avec beaucoup de plaisir, parce que c'était justement il sortait du groupe Tomia, et il commençait à faire les concerts avec The Patient, et je me suis dit, je vais découvrir son autre univers, parce que c'est des choses quand même complètement différentes, quoique il y a quand même sa manière d'interpréter les morceaux, et c'est quelqu'un qui s'imprègne vraiment des morceaux qui... C'est lui qui compose, c'est lui qui fait la musique, c'est lui qui fait même la technique, hein, parce que c'est aussi un technicien. Il enregistre aussi, entre autres, pour Mourad, qu'on a écouté tout à l'heure. Donc, le monde est petit. Hein. Tout à fait. Et justement, là, il joue un morceau avec vous. Ça s'appelle Oracle. Et c'est tiré donc de l'album Desmo, qui est sorti au mois de septembre 2021. On écoute tout de suite. Ouais, c'est parti. Yeah.

rire. Oublie que demain on va mourir. Plus se cacher, ne plus fuir. Plus rien pour nous détruire. D'un même cœur s'aimer, d'un même regard s'admirer, d'un même geste s'enlacer. Oh, allez, viens, on se tire. Ne plus jamais mentir. Allez, viens, on se tire. Tracer la route, partir. Allez, viens, on se tire. Ne plus jamais mentir. Allez, viens, c'était Max De Giovanni qui était avec nous il y a quelques semaines dans l'émission Mavrika. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Allez, viens. Donc, juste avant, c'était Evo avec Un instant. Et encore avant, c'était Roraima et The Patient avec un morceau qui s'appelle Oracle. Donc, vous avez reconnu The Patient et Evo. Bah, c'est la même personne qui interprète les morceaux. Un, il est en anglais, l'autre, il est en français. Donc, c'est le nouveau projet d'Alexis. D'ailleurs, je crois qu'il est en train de travailler. Il va falloir qu'il vienne ici dans les studios pour nous présenter son travail. Voilà. Si vous êtes musicien, n'hésitez pas à me contacter pour venir dans une émission spéciale. Hein. On fait une émission pour tous les artistes de la région orléanaise, les meilleurs. Hein. C'est les meilleurs qui passent chez nous. Hein. Voilà. C'est quand même. On fait quand même une petite sélection. Voilà. Donc, on a écouté un peu de musique. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire aussi? Eh ben, justement, il y a Melody Road qui me demandait. Voilà, le groupe Melody Road qui devait faire partie du Mavrika Live. Numéro 12 et qui a été annulé à cause du Covid. De toute façon, ça sera reporté. On essaiera de faire ça très prochainement dès que ça sera reparti. Et justement, il demandait un morceau des Melody Road. Alors malheureusement, je l'ai pas sur moi. J'en ai à la maison des très bons parce que la chanteuse a une voix excellente. Et puis les musiciens sont très bons aussi. Et justement, c'est pour ça qu'on les avait choisis pour le Mavrika Live. Et justement, s'ils nous écoutent et qu'ils veulent m'envoyer un petit fichier, je le diffuserai avec beaucoup de plaisir, il n'y a pas de souci. Ou alors sinon, il faudra attendre les prochaines émissions. Et en plus, j'étais sur la page de Melody Road et j'ai vu qu'il y avait un concert, justement. C'est en concert le vendredi 4 mars. C'est la semaine prochaine. Et on va essayer à l'Octopus de Saran. Au Octopub de Saran. Voilà, donc ça sera le vendredi 4 mars de 19h. C'est de 19h à 20h30. Donc si vous avez envie d'écouter de la bonne musique avec des très belles voix et des très bons musiciens, allez-y, le groupe Melody Road. On voulait aussi parler tout à l'heure justement d'un événement qui va avoir lieu demain. Alors demain, aujourd'hui on est le 25, donc demain c'est le 26 février. 26 février, c'est bien ça. Donc, ça sera à l'Espace Loire. C'est à Cléry-Saint-André, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est le Creek Fest. Justement, il y avait des invités, il y avait des gens qui étaient ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était dans l'émission de Christophe cette semaine. Et il y avait justement les gens qui allaient intervenir dans ce festival. Il y aura le groupe Prisma. Il y aura aussi, c'est les organisateurs aussi, hein. Il y aura Dark Revenge et il y aura aussi Broken Arm. Et je crois qu'ils sont en train de nous appeler. Ce qu'on va faire, on va essayer d'envoyer un petit peu de musique rapidement et puis on va les prendre à l'antenne et puis on va faire comme ça. Donc ce que je propose, c'est qu'on écoute un morceau du premier album de Roraima qui est calé sur la platine, qui s'appelle, je suis un petit peu pris, s'appelle Dédale. Et juste après, on se retrouve justement avec des gens qui vont intervenir dans l'émission. We'll be right back. Voilà, donc encore un morceau de Roraima. Cette fois-ci, c'est le premier album. Alors, il s'appelle comment cet album ? Il s'appelle 2810. 2810. Ah ouais, d'accord, c'est écrit. C'est écrit derrière, hein, c'est vrai. Alors, pourquoi 2810 ? Et bah, 2810, c'est le point culminant du mont Roraima. D'accord, donc il y a toujours une bonne raison. Ah, c'est haut en plus, hein, 2810, c'est déjà une bonne grimpette. S'il y a des gens qui veulent faire un voyage, c'est une très belle randonnée pour l'ascension du Mont. C'est vrai ? Vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, non ? Bah non, on désespère pas. Faire un concert en haut. Ouais. Ah ouais, ça serait formidable ça. Ouais. Hein, concert de musique en haut d'un endroit aussi magnifique en tout cas. Justement, on parlait tout à l'heure d'un concert et puis on va voir si on a quelqu'un qui est en ligne. Et si on arrive à discuter avec lui. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ah bah il est là, bah ça marche. Ouais, nickel. Et en plus, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, tiens, tu voulais intervenir. Et là, je me suis dit, bon, l'heure passe. Et puis apparemment, ou alors vous êtes occupé, ou alors vous avez des soucis. Mais non, vous aviez un souci, c'était de vous remplir le ventre. Et puis vous étiez en train de manger, justement. Non, bah c'est la technique aussi hein, qui veut ça. C'est que bah, quand tu y es depuis le matin, bah voilà, il y a un moment donné, ton ventre écrit famine et puis bah voilà, donc le temps passe et j'ai dit bon là c'est le moment d'appeler Mavrika en live. Très voilà. Bien, bah ça fait plaisir. Moi ce que j'aime bien, tu vois, tout à l'heure j'ai passé un morceau de Max de Giovanni, hop, il est intervenu en me disant voilà, voir que les gens qui sont déjà venus dans l'émission sont toujours intéressés, ils écoutent, ou alors ils sont au courant par l'intermédiaire de Facebook. Donc ça va très vite, hein, grâce aux réseaux sociaux et justement à la radio, parce que la radio c'est quand même un truc qui permet aux gens de se rencontrer, hein, c'est un peu un forum. Et justement ce soir on découvre le groupe Roraima. Alors, tu le connaissais, d'accord, ce groupe ? Non, ou de nom, ça fait combien de temps qu'il existe ? Depuis 2016. Ah oui, bah donc si, ça doit être ça. Mais que de nom, j'ai jamais eu le plaisir de les voir sur scène. Donc, maintenant que ça reprend, voilà, on va pouvoir y arriver. Ah bah oui, on va pouvoir y arriver. Et justement, tu veux nous parler de la reprise avec le Creek Fest ? Bah volontiers, ouais, voilà, bah le Creek Fest a germé dans l'esprit du président de la Sour Creek Forzik, c'est-à-dire moi. Oui. Il y a maintenant 2 ans. Puisque bah toujours comme d'habitude, hein, le problème c'est que sur Orléans, il y a des structures qui normalement sont censées accueillir les groupes locaux. Et bah on a un mal fou à pouvoir s'y produire parce que pour une raison ou une autre. Donc bah maintenant on crée nous-mêmes nos événements, voilà, grâce à une asso que tu connais bien toi aussi, oui, tout à fait, que tu fais avec Mavrika Live. Donc on chope une salle des fêtes sympa, notamment celle de Perry là, avec une belle petite scène. C'est dommage, il n'y a pas l'image, puisque là ça y est, les lights sont montés, ça fonctionne. Tout va bien et voilà, l'idée c'est de prendre des bandes de copains qu'on connaît bien, qui jouent un peu la même musique que l'on aime, même si on aime toutes les musiques. Bon voilà, il y a quand même un style de prédilection. Donc, oui, c'est-à-dire que pour faire des concerts comme ça dans ce genre-là, c'est vrai que c'est pas évident de mélanger tous les styles. Donc voilà, on pourrait pas mettre voilà un orchestre philharmonique en première partie, on est d'accord. Pourquoi pas. Voilà, oui, pourquoi pas. Ça, oui, après c'est quand c'est bien interprété, c'est toujours bien quoi. C'est ça. Et puis donc voilà, on prend des groupes locaux, les groupes de copains. Alors j'étais en train de les annoncer justement. Donc bah alors, tu vas prendre le relais. Si tu veux, oui, sans problème, avec plaisir. Donc, en première partie, enfin, normalement, l'ordre est comme ça, c'est Dark Revenges. Ouais. C'est un groupe basé en région parisienne sud, ouais, très loin de chez nous. Et ils tournent sans arrêt. Moi, je vois, il y a des concerts voilà, pratiquement toutes les semaines. C'est... Exact. Bah, ils adorent se produire sur scène. Eux, ils ont redémarré il y a déjà un bon bout de temps. Puisque ils peuvent jouer dans des conditions, tu sais, genre bar, resto où les gens écoutent de la bonne musique en mangeant, tu vois. Mmh. Donc là, il n'y avait pas la problématique par rapport aux conditions sanitaires, voilà, qui nous étaient imposées. Donc tu auras donc, ouais, voilà, Dark Revenges avec Pat au chant, une amie. Oui. Et puis ensuite, tu auras... Moi, je la connais pas, mais je l'ai déjà en amie sur, oui, Facebook depuis longtemps. Hein. Donc, ouais, je les suis, mais j'ai pas encore eu la chance de la rencontrer. Voilà, bah, elle est intermittente du spectacle, ce qui fait qu'elle connaît quand même pas mal de monde sur la place. Donc voilà. Après, donc oui, Broken Arms, c'est du hard heavy, avec notamment, bah, c'est le groupe, c'est le bébé de mon pote, le Squall. Pascal. Voilà, donc bah, Broken Arms, voilà, c'est un groupe, il y a longtemps qu'on en entend parler, ils avaient fait un album il y a quand même plusieurs années maintenant, et puis là, bon, tout s'est arrêté pour différentes raisons, et donc le Squall a tout remonté. Avec des nouveaux musiciens, et bah là pareil que nous, ça fait un an et demi ou deux ans qu'ils ont remonté ça, et puis bah, très envie de proposer leur titre au public, donc voilà, ça va pouvoir enfin se faire. Et puis donc troisième groupe, bah Prisma. Ah ouais, tiens. tant qu'à faire. Bah oui, voilà. Et puis bah Prisma, voilà, avec plein de nouvelles compos, puisqu'on a profité de ces deux ans d'inactivité de live pour composer. Voilà. Donc là on a une initiative de mémoire 14 titres, quelque chose comme ça. Et puis enfin pouvoir se produire. Voilà. Ah bah, super, alors. Je ne fais même pas un dessin sur la rage, l'envie, on a les crocs, on a faim. On a faim d'être en live pour pouvoir se produire en fait d'un public, que le public puisse participer et puis se bouger sur nos titres, voilà, c'est le live, quoi. Voilà, très bien. Donc ça se passe demain samedi. C'est ouverture des portes à 19h. Ça se situe à l'espace foire à Cléry-Saint-André. Donc Cléry-Saint-André, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la belle basilique, d'ailleurs, ouais, si vous voulez la visiter, fait, ouais. Après demi, annonce sera fermée. Ou le dimanche, vous restez dormir sur place. Si c'est là où il y a Louis XI, il me semble. Hein. Louis XI ou ouais. Louis... Je sais jamais, je suis pas très bon. Il me semble que c'est Louis XI qui est là, ouais. Et puis j'ai même pas été lui dire bonjour. Hein. Ah ouais, je suis jamais allé. En 20 ans. Bon, bref. Et donc, 19h, ouverture des portes. Allez, pas de soir, donc à Cléry-Saint-André. L'entrée est à 10 balles. Mais ça, c'est le tarif normal. Sinon, bien évidemment, quand tu as la famille entière qui aime le rock, le métal, le hard rock, et qui vient avec femme et enfant, donc on propose un tarif moins de 12 ans, c'est gratos, voilà, pour les gamins. Très bien. De 13 à 17, donc les ados. C'est moitié prix, parce que bah voilà, les ados ils ont toujours des dépenses et puis il leur reste plus rien pour leur concert, donc c'est moins cher, voilà. Et puis bah voilà, sur place il y aura une buvette, il y aura une petite restauration, sandwich qui vont bien, des bons sandwichs frais, hein, avec du bon pain du fournil de Maro, hein, puisque évidemment. D'accord. Bah tu te doutes bien, voilà, le Squall, il est guitariste, mais il est surtout énorme, c'est un super bon pâtissier boulanger. D'accord, ouais. Et il me semble avoir vu déjà plusieurs reprises justement sur sa page où il fait son métier, quoi. C'est... Ah bah oui, bah c'est une tuerie. Non seulement c'est beau ce qu'il fait, mais en plus c'est excellent. Moi, chaque événement majeur, genre anniversaire ou autre, bringue, on commande voilà, chez le Squall, le fournil de Maro. Voilà. D'accord. Donc le passe vaccinal est obligatoire, bah, pour l'instant. Alors malheureusement voilà, même si ça fait on espère que c'est la dernière fois. On n'a pas il paraît, mais tu sais, maintenant il y a un nouveau sujet qui, ça y est, le Covid, on n'en parle plus du tout. Ouais. Malheureusement, c'est l'actualité qui fait ça, mais voilà, je suis obligé en tant qu'organisateur d'imposer le pass sanitaire, parce que malheureusement, si jamais on est contrôlé et qu'il y a une personne, une seule, qui n'a pas son pass valide, non seulement la personne prend une prune, mais la prune, elle est aussi méchante pour l'organisateur, puisqu'elle est de 35 000 balles. Ah ouais, d'accord. Donc, il vaut mieux pas, quoi. Ouais. Ça serait dommage pour la première, quoi. Et puis, le masque est obligatoire ou... Écoute, c'est affiché. C'est affiché. D'accord. Bah, voilà, je vais. Non, parce qu'il parlait de pouvoir le faire sans masque, mais bon, mais après il parlait d'une question d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Voilà, bon, pour l'instant, le masque est encore obligatoire théoriquement. Voilà, mais bon, c'est marqué. On sait que quand on boit un coup, on ne peut pas avoir le masque. Ah bah, d'accord. C'est clair. Ouais. Donc quand on mange son sandwich, on portera pas le masque. Donc Donc voilà. Il faut manger des sandwichs tout le concert. Ou boire. Ou boire. Qu'a proposé Christophe, qui est une bonne. Moi, ça me va bien. D'accord. Solution. Pas de problème. Donc voilà, il y a un parking surveillé, hein, c'est important parce que bah, des fois il y a des gens qui ont un peu peur sur des festivals, ouais. Avoir des petits problèmes. Pas que sur des festivals. Oui, pas que, mais voilà. Non, je te dis ça parce que ça me fait sourire, parce que aujourd'hui, il m'est arrivé un événement, je peux peut-être en raconter un petit peu, c'est que ma fille a été en ville, elle est revenue, la voiture complètement défoncée par un camion, complètement. Donc voilà, on garde nos voitures et puis qu'on les retrouve. C'est pour ça, ça me fait un petit peu sourire, parce qu'effectivement, le fait de laisser sa voiture à l'abri, c'est quand même quelque chose de bien. On se surveille, en ce moment. Voilà, il y aura un agent de sécu par rapport à ça. Avec un maître chien, et puis il y aura donc un vestiaire gratuit pour nos amis, notamment les motards, quand tu viens avec tout l'équipement, surtout de ce temps-là. voilà, vestiaire surveillé gratos, voilà. Allô. Ah oui, j'entends, je t'écoute attentivement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça serait avec plaisir qu'on puisse remplir la salle. Ouais, j'espère. Hein. Évidemment. Alors, j'espère que les gens, ils ont la rage et qu'ils ont envie d'aller justement au concert. Parce que pendant le confinement, il y avait plein de gens qui sont venus ici et qui sont intervenus dans l'émission en disant, voilà, nous, ce qu'on veut, on veut aller au concert, tout ça. Depuis, on peut plus y aller. Mais il y avait une époque où on faisait des concerts et les gens venaient pas forcément. Donc j'espère que maintenant, ils ont compris la leçon et que finalement, le fait de ne pas sortir, ça les manque et ça leur manque et qu'ils ont envie d'aller justement retrouver des gens et de passer des moments avec eux, à écouter de la bonne musique lors de concerts et tout ça, quoi. Exactement. Donc voilà, on attend le public. En plus, ils annoncent du beau temps. Ouais, et donc, ce week-end, il va faire beau en plus. Aucune raison de ne pas venir. Et puis voilà. Je te remercie en tout cas, Christophe, parce qu'on avait prévu de te faire intervenir dans cette émission et justement tu as présenté donc ce concert mieux que moi, parce que j'avais commencé à le faire, mais du coup comme ça les gens sont au courant et puis j'espère que ça va fonctionner du tonnerre. Et donc c'est la première édition et après il va falloir penser à faire les prochaines. Eh bien, ça dépendra du résultat de cette première édition. Je tenais à remercier tout de suite déjà au moins tous les bénévoles qui sont engagés autant que moi sur cet événement, nos partenaires, parce qu'il faut pas les oublier. Hein, sans eux, on ferait pas grand chose. Enfin, en tout cas, ce serait beaucoup plus dur. Et puis aussi, une nouvelle fois, je tenais à remercier vivement Radio Arc-en-Ciel, parce que entre ton émission... Ouais, et celle de Christophe, ouais. Celle de Christophe, j'ai vu que tu étais venu avec le Squall, justement. Et ben voilà. Voilà, et donc... spéciale. c'était prévu aussi, je le savais, donc voilà. Très bien. C'est grâce à vous et des structures comme les vôtres que... les auditeurs peuvent découvrir notre musique, avoir une communication un peu plus étendue que le simple affichage, et c'est génial. Donc on vous remercie énormément. Je pense que je suis pas tout seul à penser ça, en tant que Zikos du coin, comme la vôtre. Et puis voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'émission. Ouais, écoute, tu embrasses bien toute la bande. Hein. Sans problème. ils sont pas loin, là, de toute façon, tu leur passes le bonjour. Il y en a un qui est sur sa batterie, là. Voilà, ça y est, il teste sa grosse caisse. Et puis, le lighteux, il fait mumuse avec son pupitre. Et puis, d'autres bénévoles sont en train de manger pizza, justement. Ils n'attendent même pas, toi. C'est lamentable. Je vais te souhaiter donc un bon appétit. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que demain, il y aura beaucoup de monde. C'est surtout ça, hein, parce que je sais que de toute façon, il y aura un très bon moment. Et après, ce qu'il faut, c'est que ça attire le maximum de personnes pour pouvoir justement reprogrammer un autre événement. Exactement. Je bafouille un petit peu parce que j'ai ma voix en écho qui revient. Donc je suis un petit peu décalé, donc ça me fait un petit peu. C'est pour ça. J'explique parce que effectivement, je vois bien que j'ai un petit peu de mal à parler parce que j'ai le retour mais décalé, donc c'est perturbant. D'accord. Pas de problème. Il y a pas de problème. OK. Bah je te remercie bien Christophe, t'embrasse bien toute la bande et puis tous les membres des autres groupes aussi hein. Et puis on se voit très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bonne Allez. Question. Salut. Merci. Salut. Ciao. Voilà. Ah voilà, maintenant le son est revenu un petit peu normal. Donc c'était notre ami Christophe qui est le guitariste du groupe Prisma et qui est aussi l'organisateur de cet événement. Donc il était important d'en parler parce que justement ça commence à nous manquer un petit peu. Et demain donc à Cléry-Saint-André à partir de 19h, il y aura le Creekfest avec Dark Revenges, les Broken Arms et Prisma. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà. Est-ce que, justement, je suis avec Roraima dans l'émission, parce que c'est leur émission, hein, 499. À quelque chose près, vous allez tomber sur la 500e, hein. Bah ouais, on est une en avance. Ouais. Mais en même temps, bon, c'est quand même bien, 499. Voilà, ça tombe tout juste. J'espère que ce chiffre-là vous portera bonheur, pour la suite. Est-ce que vous allez, vous aussi, souvent à d'autres concerts? Parce que je sais que vous participez à des concerts. Vous les organisez aussi, puisque vous travaillez au Bouillon. Et est-ce que vous allez aussi voir d'autres gens qui font des concerts? Bah oui. Ouais, bien sûr. Déjà, on en voit forcément puisqu'on travaille dans le milieu de la musique. Et puis ouais, après à côté, évidemment, on en voit aussi pour notre plaisir personnel. Mmh. Vous y allez régulièrement ou bon, dernièrement on peut pas en parler parce qu'il y avait effectivement le confinement et tout ça, mais c'est une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines ou ouais, c'est hyper variable mais ouais, c'est je sais pas quand ça se présente deux trois fois par mois quand ça se présente. Après d'accord. Voilà, avec le Bouillon on en voit au moins une fois par semaine. C'est ça. Enfin quand à l'époque où on pouvait en faire un par semaine. Ouais. Et puis à côté, ouais, du coup, ouais, on va dire deux par mois, ou ça dépend vraiment de la période, quoi. D'accord, très bien. Voilà, on a parlé un petit peu des concerts. Tout à l'heure, on peut rappeler aussi peut-être les dates de l'Astrolabe, hein, puisqu'on est un peu dans les dates de l'Astrolabe, du Bouillon. Ah oui, pardon. Ah, du Bouillon. Eh ben oui, on peut rappeler les dates du Bouillon à venir. Donc le 10 mars, Animal Triste, et le 24 mars, Sheldon et LFK. LKF, pardon. LKF. C'est du rap en plus, je crois. Ouais. Ah, c'est ça. D'accord. Donc c'est vrai que souvent, on enveloppe ça dans les musiques modernes, donc ça peut être du rap, ça peut être du rock, ça peut être la musique électronique, il y a plein de choses ouais, différentes, quoi. Mais bon, à chaque fois, c'est toujours des bons artistes que vous sélectionnez. Comment des ça se passe découvertes. Comment vous faites pour les sélectionner? Eh ben, il y a une programmatrice de musique actuelle qui s'appelle Florenza et qui a la lourde tâche de sélectionner les artistes qui seront sur la scène du Bouillon les jeudis soirs de concert. Donc voilà, c'est son métier d'écouter de la musique toute la journée, de recevoir de nombreux disques des groupes ou des ce qu'on appelle des tourneurs, qui sont les managers de tournée des artistes. Donc voilà, et après ça lui arrive de nous faire écouter, nous demander notre avis, mais c'est elle qui décide, en tout cas qui propose au public la programmation. Très bien, bah, c'était bien de parler de ces gens qui travaillent dans l'ombre. Parce bonjour que à Florenza. On va dans les concerts et on ne sait pas que justement derrière le concert, derrière les gens qui sont sur la scène, il y a énormément de personnes. Donc il y a des bénévoles, il y a les gens qui programment, il y a les gens qui font les lumières, la technique. Il y a toute l'installation qui s'est faite pendant toute la journée parce que on voit le concert, mais avant il y a toute une mise au point qui est faite avec les instruments, les branchements, après ah oui, l'acoustique. Plus que toute la journée, oui. Ça commence bien avant. Oui, oui. Et après, justement, il y a aussi tout ce qui est logistique. Donc, les gens, ils doivent arriver à un moment. Où est-ce qu'ils vont dormir? Où est-ce qu'ils vont manger? Non, tout ça, c'est de l'organisation. C'est beaucoup de travail. Donc, on félicite tous les gens qui font ça. Parce tout que à fait. Grâce à eux, on passe des bons moments. Et tiens, je pensais aussi à un truc ce soir. Vous savez, il y a l'humoriste Jarry qui passe au Zénith, il me semble. Hein. D'accord. Et il y a le groupe La Jarry qui a été invité par Jarry, donc c'est un petit clin d'œil. Hein. Ah oui. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc La Jarry interpréterait un morceau dans le spectacle de Jarry. Voilà. D'accord. Donc c'est marrant. Et puis on salue aussi le groupe La Jarry. C'est un groupe que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises. D'ailleurs, il va falloir qu'on les invite parce qu'il y a un album qui sort en mois de mars. mars, il me semble aussi. Vous les connaissez aussi, non? Ouais, moi je vais leur faire un petit coucou spécial parce que j'ai travaillé avec eux avant de travailler là où je travaille maintenant, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans, je travaillais dans leur studio. J'étais ingénieur du son et j'ai travaillé. Mais à culpa. Au studio, mais à culpa pendant longtemps. Donc j'ai enregistré entre autres des parties d'albums de la Jarry, les guitares de la Jarry. J'ai pas mal travaillé avec eux. Je suis parti en tournée avec eux aussi en studio en Angleterre à une époque où ils allaient en Angleterre pour enregistrer. Mm-hmm. Voilà, ils m'ont donné la chance, enfin permis de travailler. D'une part avec plein de monde au studio Mea Culpa et puis de découvrir des beaux studios en Angleterre et d'apprendre mon travail. Donc bonjour à Benoît et David de la Jarry. Ce sera un plaisir de les recroiser un de ces jours. Ouais, bah à la limite quand ils viendront ici dans le studio, si t'as envie de passer les voir. Avec parce plaisir. Que régulièrement ils passent tous les ans normalement peu avant Noël. Ok. Et là cette année bon ça s'est pas fait, mais comme il y a un album qui va sortir dans pas longtemps, j'essaie de les contacter puis s'ils sont disponibles, ben on les recevra ici dans les studios. Ils nous font des interprétations en direct live. Souvent c'est Benoît et David qui viennent, les c'est... deux frères. Et mais bon si les autres veulent venir, il y a pas de souci. Hein. Je suis toujours ouvert à recevoir. Tout le groupe en entier, ça me ferait plaisir aussi. Donc on leur fait un petit coucou. Et puis, tu vois, comme le monde est petit, on a plein de gens en commun. Très bien, on va écouter un petit peu de musique parce qu'on discute depuis pas mal de temps. On a dit plein de choses. Hein. J'ai envie de diffuser un morceau qui s'appelle Fourbe. Et c'est un groupe qui est passé il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était en fin 2021, si je me trompe pas. Il s'agit du groupe Dirty Charlie. Et on va écouter justement le morceau qui s'appelle Fourbe. La bête est fourbe, la bête est folle. À mesure que je m'embourbe, elle s'accroît, elle s'affole. Pris dans la tour, mes forces s'envolent. Mon dos se courbe, l'animal caracole. Un rêve de ses courbes, de lui mettre un licol. Je m'enfonce dans la bourre comme se noie dans l'alcool. Un amateur de bourre, mon hautain viticole. Je deviendrai le bourdon qui lui piquera au col. Je ne ferai guère plus montre du souffle, du battement de mes veines. Comme Adam, mis à nu, souffre à l'exclusion de l'éden. Je ne veux pas que tu sois vu, non, sous le maillage de tes laines. Oui, j'ai le spleen, mon élénage, le fait de la ville, du méléna. Tu pars suivre ta lubie qui est dès là. Tu me laisses sans prévenir avec notre aîné là. Allez, pa-pa-pa-pa. Après une bonne séance de musculation avec beaucoup d'abdominaux, écoutez comment ça fait. Vous êtes prêts à chanter? William est un beau gosse. Le cœur, c'est beau gosse. Mais Julien aussi. attend, ça se termine. Elle se dit qu'avec son tour de poitrine, et du charme de l'hypertone, elle pourrait poser dans les magazines. Et ouais, comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, direct au cours chez sa cousine Berthe, en s'enlèvant. Et je changerai en servant chacun des prétendants. Je n'userai plus de charme et de muscles uniquement. Je te prendrai de France version Alexandre le Grand. Sans la hilée et mon amant du Zizvac, je me chante. Je serai toi ton empereur, ton conquérant. Pour le coup, trois serres, trois serres, tout est pervers. Pour aller danser le jazz. Toi nous C'était donc le groupe Arcadia avec À la vie, à la mort. Et juste avant, c'était Dirty Charlie avec Fourbe. C'était un morceau qui était enregistré en live. C'était un peu de l'impro. Ça s'est passé, je suis en train de regarder au même temps le Facebook. Donc c'était dans l'émission numéro 487. Et c'était, comme je l'avais dit tout à l'heure, le 19 novembre 2021. Voilà, c'était dans l'émission Mavrika. Et donc un groupe super agréable. D'ailleurs, qu'on a envie d'aller voir en concert. Donc, le groupe Dirty Charlie. Alors, ce soir, on est avec Roraima. On a découvert un peu tout leur univers. Peut-être pas tout. On a fait le tour rapide. Donc, après, je propose aux gens d'aller vous voir en concert, dès qu'il y aura des concerts. Et puis aussi de se procurer les albums, donc, qui sont sur les plateformes de téléchargement. Tout à fait. On peut écouter dispo, en streaming. C'est ça, dispo en streaming sur Spotify, Deezer et toutes les autres. Dispo aussi sur roraima.fr. Et c'est aussi là, sur roraima.fr, que vous pouvez acheter ou les titres en digital, ou il y a même les CD disponibles. Mmh. Donc pour l'instant les CD, les cassettes et les vinyles, ça viendra plus tard. Les vinyles, on en rêve, mais ça coûte un petit peu cher pour le moment. Ouais, ça coûte cher, c'est vrai que c'est un projet. Il y a le projet, ouais. D'accord, le vinyle, c'est quand même l'objet, c'est quand même... Ouais. Les pochettes, tout ça, c'est l'objet musical ultime, quoi. Mais bon, pour l'instant, le CD, déjà, c'est bien. C'est déjà un objet qu'on emmène chez soi, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont tendance à tout télécharger. Ils mettent ça sur leur téléphone, ils perdent ça. Et finalement, ouais, c'est du jetable. On fait pareil aussi, quoi. Mais c'est vrai que les disques, on y tient un peu. Mais les disques, effectivement, on va les mettre dans un... Même si on les oublie un petit peu, un jour, en fouillant, hop, on tombe sur un album, et puis on le remet sur la platine. Ouais, puis c'est beau. Voilà. Moi, j'ai le souvenir des vinyles chez mes parents où j'adorais ça, quoi. Ouais. Les pochettes, c'est magnifique, et puis c'est un objet super beau à toucher et tout, c'est cool, les vinyles. Moi, je connais même des personnes qui ont acheté, il y a des cadres aujourd'hui qui ont la taille du vinyle, donc ils achètent les vinyles pour la pochette et puis ils l'affichent chez eux parce qu'ils ont même pas de platine, certains. Ouais, mais bon, je connais des gens qui font ça. Ouais, j'ai pas envie de me lancer dans ce débat là parce que je pourrais être méchant. D'accord. Toi, le vinyle, c'est quand même le support de la musique. Ça ne cadre pas un vinyle, quoi. Même s'il y a des pochettes magnifiques. Et je me souviens de pochettes de jazz des années 70 qui sont sublimes, mais ça reste un objet musical avant tout. Ouais, c'est un support. Je trouve ça dommage d'encadrer même une pochette vinyle, quoi. D'accord. Bah voilà. Il y en a pour tous les goûts. Et puis bon, c'est vrai qu'à l'origine, c'est quand même un support. Donc c'est là-dessus qu'on écoute la musique. Et c'est toujours une référence. C'est-à-dire que longtemps, ça a été la référence. Après, il y a eu le CD. Et aujourd'hui, on a tendance à revenir un petit peu au vinyle. Parce puis le côté un peu vintage, quoi. C'est marrant, les modes un peu aussi, quoi. Mais après, je suis le premier à acheter du vinyle. Après, j'en achète depuis longtemps. Mmh. Mais encore une fois, c'est vraiment pour l'objet plus que pour le son, quoi. Et après, tu les écoutes numérisés sur ton ordinateur, parce que ouais, en tout cas sur mon téléphone. Ou sur le téléphone. On a tous les deux Spotify comme tout le monde, parce qu'on veut pouvoir écouter de la musique dans sa voiture ou avec son casque sur son téléphone. Et voilà, mine de rien, c'est quand même hyper pratique, quoi. Ah bah oui, enfin, nos parents, avec les vinyles, ils auraient eu un peu de mal à l'écouter en voiture, quoi. Alors, moi, je vais te raconter une chose, c'est vrai que moi, j'avais fait de la sono dans les années 80, et puis quand on faisait les soirées, on emmenait des caisses et des caisses et des kilos de cassettes de vinyles et tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec une clé USB, on fait une émission. Faudra en parler aux DJ qui se sont cassés le dos pendant des années à trimballer des tonnes de vinyles partout dans le monde. Et qui maintenant ont le même set sur une clé USB, quoi. Donc qui gardent les vinyles parce que c'est des archives, parce que c'est beau, parce que c'est l'histoire de la musique. Mais mine de rien, au niveau pratique et même au niveau sonore, il y a des très bons trucs. Enfin, le numérique c'est pas équivalent, mais en tout cas, je sais pas, le côté audiophile vinyle, pour moi, c'est un peu surfait. C'est un son, mais c'est pas le meilleur son non plus, quoi. Ouais, aujourd'hui, on parlait aussi des cassettes qui revenaient. Et les cassettes, justement, moi, j'ai vécu, c'était le seul support enregistrable qu'on avait à une époque. Mmh. Et il y avait beaucoup de défauts aussi et qu'on acceptait parce qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, avec un enregistreur numérique, on a quand même quelque chose beaucoup de meilleure qualité. C'est ça. On peut en stocker beaucoup plus. Le problème du vinyle, c'est juste la trace qu'on laisse, quoi, parce que moi je sais qu'il y a plein de de morceaux que j'ai fait quand j'étais plus jeune et que j'ai paumé parce que on change d'ordi, parce que le disque dur il a cramé, parce que c'était sur une clé USB qu'on n'a plus. On a tous ça nous est tous arrivé. Donc c'est vrai qu'on perd ce truc là et que c'est finalement à un moment graver un CD, ça permet quand même de garder une trace, même si on n'a pas encore d'idée sur la longévité du CD dans le temps. Mais mine de rien, ouais, le numérique il a ses avantages comme il a ses inconvénients, c'est que les choses ont plus tendance à se perdre, quoi. Effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu de la musique qu'on a très facilement. Avant, ça se péritait. Une musique, on l'entendait une fois à la radio. Déjà, il fallait choper le titre parce que c'était pas évident. Il y avait pas les reconnaissances sur le téléphone pour savoir quel morceau est diffusé à tel moment et tout ça. Donc il fallait déjà écouter l'animateur qui l'annonçait ou qui l'annonçait pas. Après, il fallait aller voir le disquaire pour dire voilà, je voudrais le morceau de tel qu'on a réussi à choper le nom du groupe, voilà, de tel groupe, c'est un morceau comme ça. Des fois on le chantait même, là, là, là. Ah ouais ouais. Donc, et après il fallait le commander et puis qu'on l'avait, on le mettait sur la platine, on avait dû le mériter. Qu'un jour c'était passé, quoi. Aujourd'hui on écoute un truc, on a le titre directement et on l'a aussitôt. Mais ça se méritait à notre époque. Non mais enfin, on a connu l'époque où il fallait appuyer sur Rec Play au moment où le morceau passait à la radio pour pouvoir l'avoir sur sa cassette. Et maintenant, mon neveu de 9 ans, il a pas besoin de faire ça, il tape juste sur Google le nom du morceau et puis il l'obtient directement. On l'obtient directement. Il n'aura pas connu cet effort qu'il fallait faire, quoi. Mais bon, c'est bien, les deux sont bien. Il faut prendre le meilleur de chaque chose. Ouais, voilà. Et puis enfin, on est bien placé pour le voir au bouillon et même pour le voir nous, mais ça permet aussi, mine de rien, à un tas d'artistes d'émerger qui n'auraient pas émergé avant, quoi. Ou du coup, Internet, c'est une vraie... Et le numérique pour produire sa musique et Internet pour la diffuser, c'est un moyen hyper simple et hyper démocratique de pouvoir diffuser sa musique et se faire connaître, quoi. Alors qu'à cette époque-là, si on n'avait pas un contrat dans une maison de disques pour faire presser ses vinyles, pour s'enregistrer dans un studio où ça coûtait très cher, c'était compliqué. Maintenant, on a un micro et un ordinateur et on peut commencer à faire de la musique et s'enregistrer. Donc c'est quand même hyper... Enfin, on a tous les deux vécu l'arrivée de ce qu'on appelle le home studio, qui était le fait de la démocratisation de l'enregistrement. Et je pense que Baptiste a connu la même chose que moi, mais moi qui bavais devant des photos de studios d'enregistrement où ça coûtait un prix fou, la maintenance, tout ça, c'était un bazar pas possible. Ça a été une révolution totale d'avec un ordinateur et un micro et en gros pour quelques centaines d'euros pouvoir s'enregistrer, faire des choses pas équivalentes, mais en tout cas pouvoir faire des trucs qui finissaient sur un disque et qui étaient largement audibles, quoi. Donc ouais, ça, des choses avancent, c'est tant mieux, quoi, ça a du bon. Ouais, bah voilà. Et puis après, on en parlait avant, de toute façon, au bout d'un moment, c'est et le temps et le public qui fait son tri. Donc certes, il y a beaucoup plus de gens sur la ligne de départ, mais à l'arrivée, il reste un moment le filtre du public et de la qualité de ce qu'on fait, quoi. Donc c'est toujours aussi sain. On sélectionne, il y a toujours une sélection qui est faite. Et avant, c'était fait par les maisons de disques qui voulaient bien ou pas diffuser. On pouvait être très bon, c'était pas diffusé, donc on restait dans notre garage à jouer. Ou alors, aujourd'hui, on a quand même la possibilité de partager. Après, c'est le public qui va faire grandir tel ou tel groupe parce qu'ils vont l'écouter plus. Ouais, exactement. Il y en a des tonnes, d'exemples de trucs des années 60, 70 qui n'ont pas du tout été connus malgré la qualité que ça avait. Et je veux pas, mais je me souviens avoir écouté des trucs quand j'étais petit où je sais pas, l'époque des yéyés, il y a quand même des trucs qui sont quand j'entends des trucs genre de mon temps, c'était un peu mieux. Il y a des vieux trucs qui sont pas non plus qui cassent pas trois pattes à un canard, quoi. Et à côté de ça, il y a des trucs inconnus qui ont jamais eu leur chance parce que pas la bonne chance au bon moment, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un petit peu la chance aussi, hein. Il y en a certains qui sont devenus des stars. Et, des fois, une rencontre a suffi pour qu'ils deviennent des stars. Ah bah et oui, ça, et sinon, ils auraient pu continuer à jouer pendant des années, dans leur garage ou pour leurs amis. Et puis, voilà. Ouais. Donc, voilà, cette chance, c'est une fenêtre, justement, sur le public, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, tout simplement. Il y en a plein qui font des petites vidéos, qui sont découverts, et puis qui, après, deviennent des artistes connus. Très bien, donc c'était bien d'en parler. Et après, c'est pareil, il y a aussi, on parlait tout à l'heure du vinyle, même si aujourd'hui, il faut savoir que souvent, c'est des fichiers, et on mixe quand même avec des platines. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça, des vraies platines, parce qu'il y a le toucher quand même du vinyle. Donc, on peut avoir ce toucher-là grâce à certains logiciels et certaines consoles. Il y a plein de DJ, même tous maintenant, qui utilisent ce genre de choses. Donc, ils sont touchés quand même du vinyle, alors que c'est un fichier informatique. qui est derrière, quoi. C'est ça. Donc, juste une clé USB plutôt que trois valises de vinyle. ça allège la facture d'avion, quand même. Et puis le dos, au bout d'un moment. Ouais, et puis en plus, après, les vinyles s'abîmaient aussi, alors que dans la clé c'est USB. Ça, ou alors ça marche, ou alors ça marche pas. Mais souvent, voilà. Alors qu'avant, des fois, le vinyle qu'on avait utilisé, qu'on était content d'utiliser, un jour, il sautait. Et là, il fallait racheter le même, ou alors, c'était pas forcément réparable. C'est ça. Voilà. Très bien, donc on a parlé de ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on aurait oublié d'aborder dans cette émission? Parce qu'on a parlé de plein de choses. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, mais je voulais on n'a pas parlé des gens qui nous entourent. Exactement. Voilà, c'est important, ça. Exactement, des gens qui nous entourent. Donc je pense à Helium 4, Marion, notre manageuse, et Agathe qui s'occupe des relations presse. Et puis évidemment à Lorraine qui nous a permis d'être ici ce soir. C'était le lien tout à l'heure quand j'ai passé Arcadia, parce que justement elle suit aussi le groupe Arcadia. Tout à fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu en tout cas. Et ben voilà, on la remercie beaucoup. Elle a rejoint notre équipe puisque c'est elle qui s'occupe de notre booking, donc de nous trouver des dates. Et, super. Et voilà. Et puis du coup, on lui fait un coucou et on la remercie de nous avoir amené ici. C'est ça. Super. Et puis ouais, un dernier à Ron Benjamin, qui est le réalisateur de tous nos clips jusqu'à présent, et qui est un jeune réalisateur orléanais qui gagne à être connu et qui va être de plus en plus connu, mais qui fait pour nous et même pour les autres, qui fait des clips super beaux et qui, on espère, continuer de travailler avec lui. Et ça, c'est important parce que justement, il y a beaucoup de gens qui viennent ici dans les studios, et justement, on leur demande quels sont vos projets pour les futurs mois, années, et ils nous disent on aimerait bien faire un clip, mais on connaît pas les bonnes personnes, donc c'est important de connaître personnes comme ça. Vous tapez Aaron Benjamin sur Facebook, vous lui envoyez un message, vous lui dites que vous venez de la part de Roraima, il vous accueillera avec plaisir. Voilà, donc. Exactement. Très bien. Justement, moi, je voulais aussi dire merci à tous les gens qui ont mis un petit j'aime sur le Facebook. Hein. Donc, tout à l'heure, j'avais commencé à les nommer. Il y en a eu d'autres qui sont venus se greffer dessus. Donc, ils se reconnaîtront. Hein. J'en vois encore des photographes, des Dom Rousseau. Voilà, tout à l'heure, je parlais. Il y a aussi Morgane qui fait partie des Jartels et du groupe. Voilà, ça va pas me revenir. Les enfants de Panurge. Les enfants de Panurge. Voilà, j'avais les enfants de, les enfants réseau, de Panurge. Là, donc, et Brigitte aussi du groupe Duke. Voilà, il y a plein de gens. Et il y a aussi une personne qui est pas dans les studios, mais qui participe aussi à cette émission. C'est Florent qui nous fait le podcast de l'émission Mavrika. Donc, le podcast l'enregistrement qui est fait de cette émission, il sera en ligne très bientôt. Donc, Florent, on le remercie pour ce qu'il fait, parce que c'est quelque chose de formidable. Pour les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission, ils peuvent l'écouter en différé grâce à notre ami Florent. Et puis Florent, tout à l'heure, il m'avait posé une question et je vais vous la poser parce que donc lui, son problème, voilà, c'est pas tout à fait la même chose que vous. La hotline audio. Ouais, donc il demandait justement comment on fait pour les modifier, quel logiciel vous utilisez pour modifier les sons. Alors nous on utilise Ableton Live, mais après, enfin pour. Ça peut être des logiciels ou des machines aussi qui sont. Ouais, c'est ça. Il y a plein de logiciels. Pour en citer plusieurs, il y a Cubase, Reaper, ouais. Pro Tools, Ableton, et Fruity Loops par exemple. Plein comme ça. Y a pour modifier juste des sons, en gratuit, il y a Audacity qui permet de faire ça. Ouais. Puis voilà. Non mais il y en a tellement en fait que c'est compliqué d'en citer. Oui, non mais c'était en citer. S'il a besoin d'un truc facile, gratuit, pour genre, parce que je voyais le message s'afficher, ouais. pour modifier la hauteur d'un son ou pour modifier juste un son, Audacity, ça fera le boulot. Ouais, ça marche bien. Je pense que c'est ce qu'il utilise d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un petit logiciel qui est gratuit. Souvent il est critiqué. Moi j'ai des gens des fois qui sont là et qui me disent ouais, il utilise Audacity. Bon, ça marche. Pour la base, c'est très bien. Après, effectivement, il y a des trucs professionnels. Mais après, il faut aussi avoir du bon matériel pour pouvoir utiliser des bons logiciels. Si on n'a pas une bonne carte de son et tout ça, c'est pas toujours évident si on s'enregistre soi-même, quoi, du moins. Il faut utiliser des outils qu'on maîtrise. Exactement. Tout à fait. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des outils pas possibles, mais ils savent pas les utiliser. Donc si c'est pour se faire des nœuds au cerveau, autant utiliser un outil plus simple, mais qu'on maîtrise, si on fera pas un truc moins bien, forcément. Tout à fait. Bah, c'est un très bon conseil, en tout cas. Merci. Et bah, on remercie donc notre ami Florent qui mettra le podcast très bientôt. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de le citer dans cette émission. Voilà. Vous avez peut-être, vous êtes à la radio, vous avez peut-être un petit message à faire passer auprès des auditeurs. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? T'as des choses à dire, toi? Vous avez remercié déjà les gens qui vous suivent. On peut leur dire allez au concert. Bah exactement, venez nous voir et puis allez traîner sur notre chaîne YouTube Roraima pour voir un peu le travail qu'on a fait avec avec Aaron Benjamin. On en parlait justement. Il a réalisé donc le premier clip qu'il a fait pour nous, c'était sur le morceau B, qui était un espèce d'univers parallèle, si on peut dire. Après, avec une actrice en devenir. Exactement. Ensuite, on a fait Au Sec, dont on a parlé tout à l'heure. Avec une histoire un petit peu humide. De quoi? Humide et métaphysique. Exactement, métaphysique entre la vie et la mort, voilà. Le début et la fin, le blanc et le noir. Et puis il a fait du coup Colspire, le morceau qu'on a écouté avec Grant. Donc il a fait une captation qu'on a faite au musée d'Orléans. Exactement, qu'on a fait au musée des Beaux-Arts. Et là, du coup, par rapport aux autres morceaux, là, c'est vraiment plus une captation. Captation live, donc c'est en fait on joue le morceau et puis il a capté l'instant, on a invité les copains de Grand à jouer, on s'est réunis, le musée des Beaux-Arts nous a permis de bénéficier du lieu, on était dans une pièce avec des œuvres tout autour de nous et puis il a capté cet instant et donc si j'ai quelque chose à dire, c'est n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube Roraima Music et vous trouverez tous les clips. C'est ça. Et puis du coup, les autres travaux d'Aaron Benjamin. Et puis on parlait aussi des copains tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les pages de Grand, de First Draft, de The Patient, de Control Z. Est-ce que j'en oublie? On a fait le tour des copains qu'on voit le plus souvent. Puis voilà. Puis bonjour à la communauté portugaise Orléans. C'est la radio de. Ouais, c'est la radio qui est écoutée par. C'est vrai que par tous les Portugais, mais qui ne s'adresse pas uniquement aux Portugais. Oui, si vous aimez la musique portugaise, vous pouvez très bien être français et aimer la musique portugaise. Et inversement, vous pouvez aussi écouter d'autres émissions. Tout à l'heure, on avait cité l'émission de Christophe avec qui s'appelle Electric Shock pour ceux qui aiment le métal. Donc il y a des émissions spécialisées. Il y a aussi une émission le mercredi soir sur la musique traditionnelle. Si vous aimez la musique traditionnelle, c'est avec Violette. Et juste après, il y a une émission dont je suis le producteur aussi. C'est l'émission A Flor de Piel, une émission sur la musique moderne espagnole. Si vous aimez de la musique espagnole, donc vous pouvez nous écouter. C'est 19h30, 21h le mercredi. Voilà. Et puis à tous les autres animateurs qui ont beaucoup de mérite, parce que nous, dans l'émission Mavrica, on est des bénévoles. Tous les animateurs sont des bénévoles sur Radio Arc-en-Ciel. On est à la fois l'animateur, c'est à la fois le technicien, archiviste, on fait tout, quoi. Donc c'est le mérite qu'on a par rapport à certaines autres radios où pour une émission, ils sont 10 à faire le truc. Donc ce qui explique un petit peu notre côté humain, notre côté avec des petits défauts, mais qu'on aime bien aussi dans l'émission America. On fait une émission à l'ancienne. C'est tout ce dont on parlait tout à l'heure, où la personne qui a appelé, c'est ces gens-là qui font vivre la musique. Il y a la face émergée de l'iceberg, et puis il y a les 98% de personnes, que ce soit des artistes, des bénévoles, des techniciens qu'on voit pas, mais qui font que qu'il y a une vie culturelle dans ce pays, et c'est important de les citer. Donc ça va des bénévoles pour les radios, bénévoles dans les festivals, dans les concerts, dans les associations, en passant par les artistes, les techniciens, tous ces gens un peu de l'ombre, mais qui font qui déjà vivent leur passion, et puis qui font vivre qui permettent aux autres de vivre la leur aussi. Et c'est hyper respectable et hyper important. Voilà, c'était important de le dire, et on le dit souvent dans l'émission Mavrica. On le dit avec vraiment plaisir, surtout que pour avoir joué pas mal en festival, on est la plupart du temps accueillis par des bénévoles, et c'est des gens qui le font avec plein de passion, avec plein de gentillesse, et qui prennent de leur temps. Souvent les festivals, par exemple, c'est l'été, donc qui bloque, en tout cas qui sacrifie, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui préfère passer une semaine ou deux de leur été à travailler sur un festival, ou à travailler, à être bénévole sur un festival plutôt que de partir en vacances ou d'être en famille. Et je trouve ça hyper hyper respectable, quoi. Très bien. Tout à l'heure, on a parlé, vous avez parlé de, du noir et du blanc, des choses complémentaires et tout ça. Moi, il y a une question que je pose assez régulièrement dans l'émission. Quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Oula. Voilà. Si, eh ben, le vert et le gris. Le... Non, c'est pas ça, toi? Ben non. C'est, il y a du bleu. Ah, il y a du bleu. Le masque, c'est bleu. Ben justement, pour moi, c'est le vert et le, tu vois, le gris minéral de la roche. Okay. Ouais, c'est aussi les deux albums que j'ai là entre les mains. Végétal, quoi. Ouais, en plus, c'est, enfin, t'as raison. En plus, on est vert et gris. Vert et gris, les deux albums. Et moi, dans ma tête, c'est ce que, moi, j'essaie de deviner. Et puis, j'avais pensé à ça. Donc, bah, voilà. Vu, ça, bravo. Ça vous va bien. Et puis, donc, on garde ces deux couleurs, le vert et le gris. Donc, le côté minéral, le côté végétal, hein. Exactement. C'est ça. La dualité, il y a un truc, enfin, voilà. Roi et Mas, c'est, c'est la dualité, l'ambivalence, c'est toutes ces choses-là. Donc on a écouté pas mal de morceaux de votre nouvel album. Il en manque un qu'on n'a pas encore diffusé. Et puis il y a aussi l'autre album qui s'appelle 2810, qui est l'altitude donc du rocher. Hein. C'est, alors elle a changé entre-temps, je crois. Ah, ça, c'est non, c'était pas dit ça. Ouais, bah après comme toutes les comme oui, comme toutes ça. Les ça s'érode et ça diminue, ça mais diminue ça reste le on change pas le nom de l'album pour autant. Et pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que il y a des donc le cet album là il est sorti en 2018 et du coup 2810 c'est l'anagramme de 2018. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens au début qui pensaient, quand on l'a sorti, qu'ils se sont dit, ah, bah, c'est juste 2018 avec l'anagramme, on a inversé du coup le 8 et le 0. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment pour la hauteur du mont Roraima. Et cet album, en fait, on l'a pensé comme une ascension en fait du mont Roraima. Et si on regarde bien les titres, en fait, chaque titre correspond à un jour de l'ascension jusqu'au point culminant qu'on appelle le monolithe. Voilà, qui est à 2810 mètres. Mais on passe par là-haut, par... C'est ça. Par, je me souviens plus des noms. Mais... C'est ça, par Dédale, donc le labyrinthe. Ah ouais, d'accord. Mais ah c'est, ouais, c'est un disque un peu concept, où il y a des... faut l'écouter d'une traite comme une ascension du mont Roraima. C'est vrai que moi souvent je découvre les morceaux, bon vos morceaux là j'ai les deux albums, mais j'avais découvert un peu sur vos vidéos etc. J'avais écouté les morceaux, j'en avais téléchargé pour pouvoir les diffuser dans l'émission pour vous présenter. C'est vrai qu'on écoute une musique, on se fait un film, on imagine des choses et tout ça. Et le fait de pouvoir recevoir les artistes après dans l'émission, ils me racontent leur vision. Et quand je réécoute les morceaux, je les vois plus de la même manière. Je vois un peu leur manière à eux qu'ils m'ont expliqué. Et voilà, on arrive à changer un petit peu suivant quand on nous explique les choses. Et ben on arrive après à penser. C'est comme on associe forcément une musique avec une rencontre, avec un voyage, avec voilà. C'est pour ça que des fois on s'attribue aussi des chansons. Parce que ah ça c'est la chanson que j'écoutais dans mes vacances, donc c'est une chanson qui est agréable pour moi, etc. Mais je pense que c'est le plus beau truc, quoi. Du coup, nous, une fois qu'on a sorti nos morceaux, qu'on les a publiés, ils appartiennent aux gens qui les écoutent et ils en font ce qu'ils en font, quoi. Et si un jour on nous dit qu'ils sont rattachés à un souvenir, qu'à un moment où voilà ce morceau de vous, je me souviens que pour moi ça veut dire que j'étais à ce moment-là, à cet endroit-là, en train de faire ça, c'est le plus beau des. Le plus beau des hommages à notre musique, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été le support de moments de vie. C'est beau. Est-ce qu'il y a des gens qui, à la fin de vos concerts, viennent vous voir et justement vous posent des questions, essaient d'en savoir un peu plus? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ça arrive. Enfin, ça arrive à chaque concert, je pense. Il y a toujours un peu de retour. Tout à fait. Puis c'est un moment agréable aussi de pouvoir échanger avec les gens qui ont apprécié notre musique. Ouais, souvent ceux qui n'ont pas apprécié ils viennent pas vous voir. Non, ça nous va très bien comme ça. Ouais, c'est vrai que souvent les gens qui vont faire la démarche d'aller voir les artistes, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, ils ont envie d'en connaître un peu plus sur vous, ils ont envie de vous rencontrer, parler un petit peu, une signature sur un album par exemple, c'est des choses importantes, hein. C'est vrai que moi j'ai cette chance là de recevoir pas mal d'artistes ici et j'ai une collection de CD dédicacés, donc il faudra pas oublier de me les dédicacer tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est ma fierté. Moi, je prends ces albums-là et puis je regarde. Ah oui, il était venu, il m'a mis un petit mot. Voilà, c'est des souvenirs, c'est plein de rencontres. Et donc, ce soir, en tout cas, je suis content de vous accueillir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est la première émission où vous venez. Oui. Mais il y en aura peut-être d'autres, hein, justement de l'actualité, des choses que vous voulez parler, ou même par téléphone, hein, simplement. Il y a un truc que vous avez envie de parler de tel ou tel événement, vous nous le dites, ou alors si vous avez envie de revenir, vous revenez. Okay. Et justement, est-ce qu'il y aura un prochain album encore? Bah, on espère. Ouais, il y a intérêt. Pour l'instant, il est pas du tout. Non. Enfin, on compose. Il y a des choses qui se dessinent voilà. Musicalement. Là, on n'est pas encore en train de parler d'un prochain album, mais il y a déjà des petits projets, quoi. Exactement. Je vais pas dire une nouvelle direction, mais il y a des nouvelles choses. Une identité musicale qui s'affine. Qui évolue, ouais. Enfin, qui évolue, qui se dessine, qui se détermine encore plus. Et puis, on parle entre nous, donc on parle de nos envies, de la musique qu'on veut faire. Et puis voilà, après, on a un vieux projet. Enfin, on attend la rencontre. Justement, on parlait de chance tout à l'heure, on attend la rencontre. On pense qu'on fait une musique qui serait... qui se prêterait bien à de l'image, en fait, à être le support de d'image. Donc je pense à un film ou à des documentaires, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un truc sur lequel on voudrait un peu creuser aussi, peut-être travailler avec des réalisateurs ou travailler faire de la musique pour l'image, la bande originale d'un film, d'un court-métrage ou quelque chose comme ça. Ouais, parce que c'est vrai, on pense souvent aux gens qui font de la musique, qui la composent, qui la jouent sur scène et tout ça, mais on pense pas aux artistes qui font de la musique justement pour les documentaires, pour des films ou des choses comme ça. Il y a des gens, c'est leur métier. Donc ils sont là et puis il y a des gens très connus et très reconnus pour ça. Reconnus pour ça, ouais. Et des fois, ils ont aussi une carrière à côté où ils font des concerts, des enregistrements et tout ça. Mais il y en a qui font juste ça. Oui. Voilà, donc c'est aussi un métier. Et c'est peut-être un peu frustrant aussi de faire ça et puis de pas être vu, Je sais pas, je pense qu'on le fait pour les gens qui le font comme ça, ils le font pour d'autres raisons qui sont justement d'être. C'est le support à une image et à une histoire. Donc je pense que c'est une autre façon d'envisager la musique. Après, il y a des morceaux. Enfin, c'est pareil. Il y a les grandes musiques de films, elles sont quand même dans l'imaginaire collectif comme d'autres morceaux de musique ont pu l'être. Quoi. Quand on parle d'Ennio Morricone ou John Williams ou même je sais pas de trucs un peu plus récents comme Yann Tiersen ou quelqu'un comme Ludovico Einaudi, c'est des gens dont tout le monde connaît celui qui a fait Truman Show, Philippe Glass. Enfin voilà quoi, il y a plein de gens comme ça où leur musique elle résonne en chacun de nous parce qu'elles sont associées à des films qu'on a tous aimés et qui sont historiques quoi. Ceux qui connaissent pas la musique de Morricone du Bon, de la Brute et le Truand ou du James Bond, ça doit être John Williams je crois. C'est des trucs qu'ont autant influencé tous les musiciens du monde d'ailleurs que des gens qui ont fait plein de concerts. Mmh. Ah oui, effectivement. Vu comme ça, c'est vrai qu'on n'imagine pas complètement. Mais il y a aussi ceux qui font, par exemple, les musiques documentaires où il y a peut-être une manière de travailler différemment. C'est-à-dire qu'on leur propose justement un documentaire qui est monté déjà et on leur dit tu dois mettre de la musique dessus. Donc c'est l'inspiration est différente, quoi. C'est pas une musique qu'on fait. C'est il faut que tu mettes de la musique sur telle chose. Ouais. Donc, ouais. Voilà, il faut la composer. On a le support déjà en fait. On a les images, donc ça contraint un petit peu. Et puis en même temps, on a eu le plaisir d'essayer de le faire sur quelques images. Et c'est une façon différente de travailler parce que il y a un cadre en fait. Mais c'est hyper intéressant aussi. Ce qui est marrant, c'est que on n'est pas. On parlait de nos influences tout à l'heure, de nos inspirations. Et en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de. On est au service de quelqu'un qui a déjà son idée. Donc le but, c'est certes d'ajouter sa touche, mais de respecter la vision du réalisateur, quoi, et de savoir se mettre un petit peu en retrait. C'est hyper important. Mais ouais, on n'y pense pas assez. C'est rigolo parce qu'on a un de nos morceaux qu'on a écouté ou pas. Non, qu'on n'a pas écouté ce soir. Mais il y a un de nos morceaux qui a été. On a encore le temps de l'écouter. Il est sur aucun des disques. Ah d'accord, il est pas. On a un morceau. On a eu la chance qu'il y a un de nos morceaux. La chance, oui. On a eu le plaisir, en tout cas, de découvrir qu'un de nos morceaux avait été utilisé pour un documentaire qui est passé sur une chaîne télévisée. C'est quoi? TMC. TMC, voilà. En prime time, un documentaire sur c'était quoi sur la mode. Sur la mode et les effets pervers de la mode et qui est produit par la société de production d'Yann Barthès qui fait le petit journal ou quotidien, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on a découvert notre musique associée à des images et à des sujets dont on se doutait pas. Au départ, donc voilà, ça me rappelait ça. C'est vrai que moi, j'associerais bien à un truc genre découverte d'un pays, par exemple des décors, parce que vous avez, il y a quand même le truc de voyage hein, dans votre musique. Donc, Oui. Moi, je le verrais bien dans plutôt Ushuaïa ou un truc comme ça, quoi. Ah bah, ce serait avec plaisir. Ouais. On aimerait bien faire ça un jour. C'est-à-dire, moi, je vois très bien les décors, les trucs, les forêts, peut-être même la mer, plein de choses comme ça. Et bah, avis aux réalisateurs de films, producteurs, on est dispo, on peut le faire. D'accord, bon, il suffit qu'ils me contactent ou qu'ils vous contactent directement. Hein. Avec plaisir. Moi, je transmettrai, il n'y a pas de souci. Très bien, ben on arrive à la fin de cette émission parce que bon, c'est vrai que 3 heures, ça paraît long, mais finalement, on est obligé de regarder un peu les minutes pour pas trop dépasser. Et on a encore des morceaux à diffuser. Il y en a un entre autres qui est le dernier des morceaux qu'on n'a pas diffusé de l'album Desmo. Alors ce titre-là, c'est celui qui a été interprété par Control Z. Et tout à fait. Et ça s'appelle Train Ten. Strengthen ties. Exactement. qui veut dire en fait renforcer les liens. D'accord. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit peu de pub pour Control Z, parce que je crois qu'il a son projet au théâtre qui passe bien. Exactement. Si donc là pour parler d'abord de ce titre-là, du coup, c'est co-composé avec Control Z. Du coup, là, il y a pas de. C'est vraiment la rencontre de deux musiques électroniques qui naviguent pas du tout dans le même univers. Mmh. Du coup, ça donne un résultat hyper intéressant. Donc, pour ceux qui savent pas, Control Z, il fait une musique électronique qui est un peu plus, un peu plus énervée entre guillemets, un peu plus techno, plus rapide, plus avec des tempos plus rapides par rapport à ce que nous on fait. Et ça nous a permis, voilà, de naviguer avec des tempos plus rapides. Et puis oui, le petit clin d'œil, il est en train de monter un projet en immersion sonore. Donc c'est une technique de diffusion qui est pas nouvelle, mais qui commence à arriver, où en fait le spectateur se retrouve complètement immergé dans l'œuvre avec des haut-parleurs tout autour de lui. Et ça joue, pour ceux que ça intéresse, le 17 mai au Théâtre d'Orléans. Voilà, et c'est un projet donc à la rencontre entre les musiques électroniques et les musiques traditionnelles japonaises, un mélange assez original, et qui sera diffusé en immersion sonore, donc avec des sources musicales tout autour du public. Faut s'imaginer avoir un dôme d'enceinte autour de soi. Alors c'est pas le cas, mais en tout cas où qu'on soit dans le public, on a l'impression d'avoir des sons qui arrivent vraiment de partout et d'être dans un dôme de sons, quoi. Pour avoir vu les prémices et les débuts du projet, c'est vachement beau et vachement bien. Et comme disait Baptiste, en plus avec un mélange de musique électronique et de tradition japonaise, et ouais, c'est beau. Donc, d'accord. Réservez vos places le 17. Tout à fait. Mmh. Et on fait un coucou au copain Control Z. D'accord. Ben, on a déjà parlé de lui. On a déjà. C'est un groupe. C'est un artiste. C'est un artiste. Ouais, c'est un artiste. Voilà. On a déjà diffusé des morceaux dans l'émission Mavrika, parce qu'on a déjà parlé de lui, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le recevoir. Mais ça sera avec plaisir. En tout cas, on va découvrir donc ce morceau que vous avez composé avec lui, et on se retrouve juste après. On fait comme ça. Ok. C'est parti. Yeah. Contrôle Z, un morceau que j'ai retrouvé. Effectivement, on l'avait déjà passé dans l'émission Mavrika. Et puis justement, comme ça, on retrouve le son d'origine, le style qu'il a l'habitude de jouer. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Et puis, donc, on a passé 3 heures avec le groupe Roraima. Merci à Baptiste, merci à Florian d'être venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bah ouais, merci pour cette invitation. C'était cool, c'était un bon. Bah ouais, ça fait super plaisir. Et c'est vrai que on écoute beaucoup de rock dans l'émission Mavrika, du pop, etc. Et la musique électronique, c'est quand même assez rare. Et donc, ça me fait plaisir d'écouter aussi ce style de musique que j'apprécie beaucoup, en tout cas. On arrive à la fin de cette émission, donc on va se donner rendez-vous pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je serai pas là. Par contre, la semaine suivante, et ça sera la 500e, et ça sera le groupe No Blush qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, le groupe No Blush qui est déjà venu à plusieurs reprises, à mon avis il y a de l'actualité. D'ailleurs ils seront en concert sur Orléans, hein. C'est un groupe qui est pas de la région, et ils sont de la région parisienne, il me semble, et ils seront donc en concert le lendemain. C'est pour ça qu'ils viendront dans les studios pour nous parler un peu de tous les événements et de tout ce qu'ils ont fait depuis leur dernier passage. On arrive à la fin de cette émission, donc on a l'habitude de dire les phrases magiques. La première, c'est que le rock and roll soit avec vous. On va dire que le trip hop soit avec vous aussi, hein. Merci. Que la musique en général, parce que c'est vrai que la musique, quand elle est bien interprétée, après on s'en fout un peu de la coloration, du moment que ce soit bien fait. Après, everything is gonna be alright. On le souhaite aussi pour tout ce qui se passe actuellement dans les actualités, dans les événements actuels. Troisième phrase, une vie sans musique serait une erreur. Voilà, vous êtes d'accord, hein. Ouais, on valide. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, nous, derrière, on va faire les photos qu'on publiera sur le Facebook de l'émission Mavrika. On a publié les photos avec les Red Daff, nos potes de Talsy, qui étaient venus la semaine dernière pour nous présenter leur nouvel album. On a écouté plusieurs morceaux, on en a écouté en début d'émission. Et donc, on continuera de découvrir cet album dans l'émission Mavrika dans les prochaines éditions. Et je vous dis... au 11 mars, hein, c'est comme ça, hein. La prochaine émission le 11 mars avec le groupe No Blush. Merci beaucoup les Roraima et à très bientôt. Hein. À merci, bientôt. À bientôt. La FM en couleur. Ah. nostra terra non è pronta troppo ucraina, è nazista. Noi parliamo che il nostro nazista.